Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 61. Ouais, on est content. On est super content. On est super content. Je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires, et je suis bien évidemment accompagné des extraordinaires Riley et Mallory. Comment ça va? Ah oui, on s'applaudit. Alors on s'applaudit. Ah ouais, on une belle journée. On j'applaudis Riley. On a un invité. Ouais. Un invité. Ah, et c'est qui? Devinez qui c'est. Bienvenue. Nabla, Nabla Léviste, oui. Tu es comédien, Youpi. Formateur, plein d'autres choses, et évidemment, tu es grand fan de Buffy contre les vampires. Bien sûr, je suis grand fan de Buffy contre les vampires, oh, je suis trop content d'être là. Oui. On est très très content de t'avoir. Merci, Nabla. Ah, bah, merci à vous. On est aussi ce soir avec nous Xavier, qui s'occupe du son. Coucou Xavier. Et, on est... et de l'orge. Et le l'orge, ouais, ouais. Et bim. Culture céréalière. On est en live sur Twitch. On est effectivement en live. Il y a déjà plein de monde ce soir qui nous écoute. On dit bonjour au chat. Salut le chat. Merci d'être fidèle à chaque émission, même si c'est tous les 3-4 mois. Hein. Ça fait plaisir. Et ils vieillissent avec nous. Rejoignez-nous donc sur twitch.tv/pourquoibuffy. Suivez-nous. Comme ça, vous êtes au courant de tous les lives. Et vous pouvez communiquer avec nous ce soir sur le chat. De quoi on va parler ce soir, Riley, dans ce podcast incroyable? Tellement content. Le sommaire. Bah oui, le sommaire. Le sommaire. Dis-nous tout. Ce soir, comme d'habitude, au sommaire de cette émission, il y a la rubrique préférée des auditeurs. C'est la rubrique des gros bisous. Celle où on fait des remerciements, des gros bisous à plein de gens. On n'a pas fait de podcast depuis longtemps, donc il y aura plein de gros bisous. Ensuite, on enchaînera avec la rubrique Actu. Oula, la grosse Actu Buffy, hein. Buffyverse par notre quatrième mousquetaire, Big M. Ensuite, on passera au plat de résistance. Hein. Le gros morceau, c'est les commentaires audio de Doppelgangland ou les deux visages en VF, qui est un épisode de la saison 3. C'est l'occasion de parler d'affirmation de soi, de double, de costume, de magie, de mise en scène, bien sûr. C'est un épisode centré sur Willow, que tout le monde connaît par cœur. Oui. Réalisé par Joss Whedon. Et après ça, c'est le dessert. Hein, c'est la rubrique de l'invité. Avec toi, Nabla. Oh mon Dieu. C'est toi le dessert. Je suis le dessert, superbe. On aura plein de questions à te poser, notamment sur ta passion pour Buffy, évidemment. Il y a aussi, alors là, c'est le grand retour ce soir. Le grand retour de la série Reaper. Reaper, notre fiction audio qui revient sur la jeunesse de Tonton Giles. Rappelez-vous, on avait quitté le groupe en pleine tourmente. Hein. Il y avait eu un gros clash, une séparation. Oh, c'était horrible. Et on vous a concocté la suite des aventures de Reaper et de ses petits copains. Et enfin, après tout ça, on terminera par la rubrique des « Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça ». C'est notre rubrique coup de cœur en rapport avec Buffy. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy contre les vampires que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. Ah, je l'avais pas vu tout à l'heure. Le podcast est un peu partout sur Internet. Et si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites, hein, et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver en passant par notre site partenaire Buffy Angel Show. Et on vous rappelle donc le blog où il y a tous les liens, tout ce qui va bien. Ça s'appelle pourquoibuffycestgenial.wordpress.com. Cool. Et sans plus attendre, parce que c'est un podcast qui va durer 3 heures, on passe tout de suite à la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you. Nothing can defeat the penis. Donc oui, gros bisous, moi je voulais faire des gros bisous à Miwa Création que Big M a croisé en convention à Colmar, donc Miwa qui écoute le podcast et qui fait de chouettes objets geek et otaku. Allez voir ses créations, on mettra le lien dans la description du podcast. Gros bisous aussi à Poppins, des gros bisous pour leurs commentaires Apple. Alors je suis allé voir les commentaires Apple, c'est formidable, il y en a plein. Oh, putain, c'est vrai qu'il fallait aller voir ça. Oui. Donc des gros bisous à Chapour59, Alex B., Aileen, Charlène, Charlie, vos messages sont adorables et ça nous a fait super plaisir. Hein. On nous a même recommandé des films. Hein. Vous irez voir les commentaires. Ouais. Des bons films? J'ai un film que j'ai pas vu, mais. Ni oui ni non. Mais allez voir les commentaires. Carrément, bah merci. On pose des films. Est-ce que tu avais des gros bisous à faire, mon petit Nabla? Moi, quand j'ai l'occasion, j'ai toujours envie de faire des gros bisous à ma famille polonaise, qui ne savent pas que je suis là, qui s'en moquent un peu complètement, mais je les aime quand même. Et donc, bonjour. Ils écoutent un jour. Ils vont entendre leur prénom. Bisous à Mihao, Isa, Yashu, Mirawek, Popek, Kuba, Agnieszka, Tosha, Helenka. C'est une grande famille. Pananjay et tout le monde de Cracovie. Yeah. Bisous Cracovie. J'embrasse tout Cracovie. J'embrasse tout Cracovie sur la bouche. Hier Rozumie Popolsku. Rozumiesz? Mais né Rozumie Popolsku. C'est la seule phrase que je sais. Bah, en plus, tu sais pas vraiment la dire. Bah non, bah, comme si je parlais polonais. Si tu veux dire que tu comprends pas ou que tu comprends, faut dire rozumiem. C'est intéressant, on pourrait faire une rubrique polonaise. Bien sûr, on pourrait faire pourquoi c'est pourquoi mes filles, c'est comment on le dit en polonais d'ailleurs. Je suis même pas sûr. Dlaczego Buffy jest genialna. Vous aviez des gros bisous, Mallory, peut-être? Non, j'ai pas de gros bisous ce soir. Oh, choqué. Je fais toujours les mêmes. Alors, tu fais la gueule, Mallory? Ah ouais, je suis saoulée là. Ah ouais, d'accord, bonne ambiance. Mallory a été remplacée peut-être par son double. Oh, maléfique. Oh là là. Double maléfique. Des gros bisous, mon petit Riley. Alors oui, j'ai un gros bisou à faire à Camille qui s'est mise à Pourquoi Buffy c'est génial et qui nous écoute dans sa voiture en allant au boulot. Et aussi, je voulais faire des gros bisous à tous les fans de Buffy qu'on a revus et rencontrés à la convention il y a 10 jours, Whisper from Hellmouth, qui était très très cool. Oh là là, transition formidable, puisque et c'est faut maintenant. Faut quand même faire un gros bisou à Mooney Heat avant, ouais. Qui a demandé un gros bisou. Ouais. Je veux un gros bisou, Mooney. Alors, bah moi, je fais réclamer un gros, des gros bisous, c'est. Oui, on demande pas des cadeaux. Des gros bisous, normalement, on fait pas. Hein. Réclame pas un gros bisou, Mooney. Bon, bah, un petit bisou. J'ai fait un petit bisou. Non, mais Mooney, bon, on te fait un gros bisou, mais. Mais oui, on te fait un gros bisou, mais oui. Bon, gros bisous tout le chat, en tout cas merci d'être là en live. Et donc comme tu le rappelais, donc on a rencontré plein de comédiens et de comédiennes, plein de fans de Buffy il y a 2 semaines. Oui. Et je pense que c'est ce qui va être éventuellement en partie abordé par Big M dans sa rubrique Actu. C'est tout de suite l'heure de la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, right here. Over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. Five more. That's the prophecy. 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et oui, donc la rubrique Actu. Comme vous le savez, chaque semaine, c'est un podcast hebdomadaire, on le sait bien, chaque semaine, voilà, chaque émission, nous, par contre, Big M nous résume l'actualité de Buffy, de Buffyverse, des comédiens, des comédiennes, enfin tout ce qui se passe. Et là, ces derniers temps, l'actu est chargée, hein, il va nous raconter tout ça dans sa rubrique Actu, c'est maintenant. Sortez les mouchoirs un peu aussi. Eh bien bonjour, c'est Big M et c'est parti pour la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial. On commence cette édition avec une bien triste nouvelle. Michel Trachtenberg, notre inoubliable Don Summers, nous a quittés le 26 février dernier à l'âge de 39 ans. Son décès tragique a bouleversé la communauté des fans de Buffy, ainsi que ses anciens collègues de tournage. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période difficile. Passons à une nouvelle qui, elle, va en ravir plus d'un. Buffy est de retour! Et oui, contre toute attente, Sarah Michelle Gellar a annoncé qu'elle allait reprendre son rôle iconique dans une toute nouvelle série Buffy. Les détails sont encore limités, mais on sait déjà que la série se déroulera plusieurs années après les événements du final de la saison 7. Des rumeurs quant au contenu exact circulent déjà, mais ne rentrons pas dans les détails afin de ne pas déjà spoiler. Tout ce qu'on sait pour sûr, c'est que le pilote prévu pour la plateforme Hulu sera réalisé par Chloé Zhao, qui avait déjà dirigé les Éternels de chez Marvel. Le tournage devrait commencer d'ici très peu. Affaire à suivre de très très près. Un peu de lecture, ou pas. The Power of Friendship est un livre illustré tiré de l'univers de Buffy. Imaginé par Virginia Murphy et mis en image par Pernille Aurum, cet ouvrage paraîtra le 1er juillet 2025 sous le label Golden Books en collaboration avec Disney. Côté convention, on a du lourd. James Masters, notre éternel Spike, sera à Comic-Con France les 12 et 13 avril à Paris. L'occasion parfaite pour le rencontrer, discuter un peu avec lui ou encore prendre une photo en sa compagnie. Et justement, en parlant d'événements, nous étions à la convention Whispers from the Hellmouth 2 de Geek and Cheese les 15 et 16 mars dernier. Et c'était tout simplement génial. Avec 10 guests issus de Buffy et Angel, l'événement a dépassé toutes les attentes. L'ambiance, les panels, les rencontres, un pur régal. Et devinez quoi ? Pas de repos pour Geek and Cheese, car on remet ça puisque la 3e édition est déjà annoncée pour les 21 et 22 février 2026, et ils ont frappé fort dès le départ. Eric Balfour ? Mais oui, Eric Balfour ! Souvenez-vous, le défunt ami de Xander dans le pilote de la série. Amber Benson et Stéphanie Romanoff, qui était l'avocate machiavélique Laila Morgan dans Angel, ont été annoncés d'emblée. Et à peine plus tard, une quatrième guest a rejoint la fête, Charisma Carpenter, un vrai coup de maître. Alors notez bien ces dates dans vos agendas, parce que ça promet d'être grandiose. C'était Big M, au plaisir de vous tenir au courant de l'actualité autour du Buffyverse. Merci pour cette actu incroyable, et oui, une actu riche, triste, avec la disparition de Michel Trachtenberg, une annonce assez à laquelle on ne s'attendait plus, l'annonce du retour de la série. Il s'est passé trop de choses, les conventions, enfin, c'était beaucoup trop d'émotions différentes en très peu de temps. Ça nous a un petit peu chamboulé. En ce qui concerne la convention, c'était génial, effectivement. Donc on a bossé hein, pendant cette convention. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, on vous mettra en ligne deux petits podcasts, des podcasts hors série. Un sur les panels, sur ce qui s'est dit avec les guests. Et un autre, on a eu la chance d'interviewer le grand Marc Blucas, l'interprète de Riley. Oh, c'était trop bien. C'était assez génial et on vous mettra aussi ça en ligne très très prochainement. Marie est jalouse, mais Marie n'était pas là, tant pis. Faut aussi qu'on aborde le nouveau projet de série, hein, parce qu'on nous a demandé notre avis. Hein. Marc Wahlberg, un fidèle auditeur, nous a demandé hein, sur YouTube, alors vous en pensez quoi de ce nouveau projet ? Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau projet ? Vous êtes peur, vous avez méfiant, peur ? Moi je suis méfiant. Méfiant aussi. Moi j'ai peur même, carrément. Ah oui, oula, non, la peur carrément. Oui, il tremble, ça se voit pas, mais je tremble, je sue. Il y a des gens, mais il y a pas mal de fans qui sont enthousiastes. Hein, parce que, eh ben oui, que moi je suis enthousiaste, les gars. Hein. Sarah, comme Sarah a validé, oui, il va jouer dedans, a priori. J'ai vu trop de reboot, remake. Ouais, c'est ça. Raté. Bah, il faut déjà qu'il passe le stade de valider le pilote. Déjà, il faut déjà réussir à faire ça. C'est quand même 80% des séries américaines qui passent pas le pilote. Donc. Oui, mais vu le bruit que ça fait, je pense qu'ils savent que les gens la regarderont. Donc, Ouais, mais peut-être. Ouais, et voilà, Big M a raison. Il ne faut pas craindre la nouveauté, nous dit Big M sur le chat. Moi, je suis d'accord. Mais j'ai 76 ans, moi. C'est quoi craindre la nouveauté. C'est un petit peu réac, c'est ça. Hein. Bah, quand on est vieux. On est forcément réac quand après, on est vieux. Si on a lu, parce que. Alors, on va pas les dire ici, bien sûr, mais il y a déjà plein de rumeurs, spoilers qui y sont sortis, genre les annonces de casting, tout ça. Est-ce qu'on peut s'y fier? Je sais pas, mais c'est pas très rassurant en vrai, parce que c'est. Oui, mais c'est les mêmes persos avec des prénoms différents. Enfin, on jugera le produit fini. On regardera, évidemment. Ouais. Et on dira si c'est nul, mais même si c'est nul, revoir. Revoir Buffy. Ouais, ça me rend fou de joie, vous vous rendez pas compte. Même si la série est nulle, c'est pas grave, on va revoir des scènes avec Buffy dedans. Enfin, ouais, non, quand X-Files saison 10 s'est sorti, j'étais super content. Ben, on a revu Mulder et Scully. C'était nul. C'était super nul, ouais. C'était méga nul, mais on était content, effectivement. Ouais. Ben, moi, je suis content. C'est vrai que je suis content d'avoir le personnage de Buffy. On passe donc tout de suite, comme j'ai dit, au gros morceau de ce podcast. Le moment que vous attendez tous, le commentaire de l'épisode. Et donc, on va passer à l'épisode du jour. Yeah. Jingle. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Et oui, donc épisode du jour, épisode 16 de la saison 3, diffusé pour la première fois le 23 février 1999. Donc, comme tu le disais si joliment, mon petit Riley, Doppelgangland. Ah, merci, Sartman. Les deux visages en version française. On fait un point sur ce mot compliqué. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce Doppelgangland? Allemand, qu'est-ce que c'est que cette série? Pas du tout, c'est Doppelganger et Gangland. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire, Doppelganger? Alors, Doppelganger. Alors, Doppelganger. C'est lunettes, hein. Vous un voyez Doppelganger. Pas là, mais... Ah bah, j'ai 76 ans. Il vient d'essuyer ses lunettes et il est porte. Doppelganger, c'est un double. C'est une personne, un sosie par exemple, un double maléfique, une personne qui nous ressemble. Un double. Et cette thématique du double est quand même très très intéressante pour Buffy. Mm-hmm. Quand même. Mm-hmm. Et gangland, c'est un mot américain. Mm-hmm. Alors que Doppelganger, ça doit venir de. C'est un mot allemand, nous disait sur le chat. Du folklore allemand, ouais. C'est double en allemand. Ça vient de la mythologie germanique et nordique aussi un peu. Et Gangland, c'est le milieu des gangs. en gros. Ouais, c'est le fait. Une sorte de jeu de mots, alors, du coup. Bah, ils ont mixé les deux, ouais. Exactement, c'est parce que donc, c'est l'épisode va parler d'un double, donc le double maléfique de Willow qui va vouloir créer un gang mafieux, un gang criminel. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il a mixé les deux noms. Alors, qui a mixé ces deux noms? Qui est l'auteur de, ce, de cet épisode? Eh bien, c'est Joss, c'est parce que l'épisode est écrit et réalisé par Joss Whedon. Et on va le voir ce soir, quand Joss est aux commandes quand même d'un épisode, ça se voit. Ouais. Il y a sa patte. Mmh. Et puis c'est les meilleurs épisodes, en vrai, on va pas se leurrer. Mmh. Ouais, là, oui. C'est bien écrit, quoi. C'est bien, bien écrit, bien réalisé. C'est son bébé, quoi. Donc il connaît par cœur. Attention, on verra ça après. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous le pitch. C'est quoi? Quel est le pitch de l'épisode? Ah, j'ai préparé un petit pitch, bien sûr. Alors, Prue est sur la plage avec Phoebe. Pour laisser Piper et Léo seuls au manoir après leur mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Coupe son micro. Tout en vacant à leurs activités. Prue remarque une femme étrange sur les hauteurs et voit une forme spectrale. Qui se tient près d'elle. Coupez ce micro. Ah mais t'as pris un vrai pitch en fait. J'ai été pris pour... C'est mon double maléfique, fan de Charmed. Oh mon dieu. Riley Halliwell. Aidez-moi, Mallory, vite, fais un rituel magique, vite. Le pouvoir des trois nous libérera. Pas celui-là, Le pouvoir des trois nous libérera. Oh putain, merci. J'avais été remplacé par mon double. Oui. Mais alors comment, là c'est le vrai Riley ou pas? C'est le vrai, mais évidemment. Comment on peut en être sûr? Ouais. Bah demander quelle est ma série préférée. Ça. Quelle est ta série préférée? C'est... Supernatural. C'est Buffy, bien sûr. KLXY. Après Lost, évidemment. Et non. Et oui, merci. Donc évidemment, le petit pitch dans cet épisode, c'est le retour de Vamp Willow. Vous souvenez-vous, dans l'épisode The Wish, meilleur vœu de Cordelia, il y avait cette version vampirique de Willow qui était géniale. Et donc, ils ont tellement aimé les scénaristes de la série, notamment Joss, évidemment. Ils se sont dit, on va faire un épisode où elle revient dans le monde réel. Et c'est exactement ce qui se passe ce soir. Donc, ça va être un épisode centré sur Willow et son double vampire. Ah. C'est ça, parce que c'est un personnage qui est né dans l'épisode de Wish de la saison 3, dans lequel, rappelez-vous, Cordelia fait le souhait auprès de la démon Anyanka, fait le souhait que Buffy ne soit jamais arrivée à Sunnydale. Donc là, se développe un univers alternatif dans lequel Willow et Xander, notamment, sont des vampires sanguinaires et très vicieux. Il y a le maître, tout ça. Ouais. Et donc, c'est ce. Si vous avez pas, vous rappelez pas de ça, allez voir The Wish immédiatement avant d'enchaîner avec Doppelganger, parce que ces deux épisodes sont complètement liés. Voilà, c'est le côté obscur de Willow qui va réapparaître dans le monde normal. Il y a même des liens dans la mise en scène, même. Donc vous êtes prêts à commenter cet épisode? Oui. Chez vous, munissez-vous de votre télécommande. Attention, on lance l'épisode dans 3, 2, 1. Classe. Je vais dire top. Go. Top, c'est top. Parti. C'est parti. Donc l'épisode commence par un previously, hein, évidemment. Previously, que, comme je vous le disais, qui parle beaucoup de The Wish, en fait, pour présenter ce monde parallèle dans lequel le Vamp Willow est apparu. Exactement, bien sûr. Et on nous présente un peu aussi vite fait les consequences. L'épisode de like Face, quoi, qui a tué quelqu'un, donc qui est mise sous. C'est son titre en norvégien. C'est vrai qu'on a des sous-titres. C'est en danois. Attendez, ça se trouve, il y a des sous-titres polonais. Mais c'est trop. Meublé. Le gars met les sous-titres en danois, il nous prend pour qui? C'est trop haut niveau pour nous là. Rendering Ganyanka Mortal. Sans en VO. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est peut-être sa langue. Là, il est redevenu mortel. Exactement. Et voilà, c'est l'épisode. Anya est devenue immortelle. Et Anya, bah, du coup, vu que c'est un épisode d'aujourd'hui qui va parler d'affirmation de soi-même, de découvrir qui on est vraiment, de dualité au sein d'une même personne, la première scène nous donne le ton. Anya va se plaindre de ne plus avoir ses pouvoirs de démon auprès de son patron Dofrin. C'est la première fois qu'on rencontre Dofrin. Exactement, on l'a jamais vu. Il reviendra plusieurs fois dans la série. Oh, oui. Et Anya est complètement un personnage miroir de ce que va être Willow aujourd'hui, parce que Anya pense être quelqu'un d'extrêmement puissante à l'intérieur, sauf qu'elle n'a plus que l'apparence d'une adolescente frêle et jeune américaine sans aucun pouvoir. Voilà, cette dualité au sein d'une même personne, c'est vraiment le thème de l'épisode. Oui, puis elle réclame son pouvoir là où Willow va faire pareil pendant tout l'épisode, quoi. Ouais. Anya se plaint, mortal child. Elle est triste, hein, voilà, d'être une mortelle, d'être une enfant. Alors qu'on le rappelle, c'est elle a plusieurs centaines d'années. Anya est très puissante, quoi. Dauphine aussi qu'on reverra régulièrement dans Buffy ensuite. Hein. Mais c'est la première fois qu'on le voit, il me semble. Là, c'est très marrant parce qu'on voit que on voit aussi une dualité entre Willow et Buffy, parce qu'on voit que Willow, elle est très dans le mental, dans le calme et dans la retenue, alors que Buffy, elle est très dans le physique, dans l'action. Elle fait très mal ses abdos. Ouais. Ah, d'accord. Elle fait les abdos qu'elle veut. Mais oui, t'as raison. Le plan, les met les lunes à côté de l'autre. Et ouais, on voit la différence. Et puis, complémentaire. Donc ça va tellement vite, on n'a pas pu parler de la réalisation, il y avait un plan super qui changeait la perspective entre Dauphine et Anya, et Anya part de son entretien avec son boss en disant « Ah, je vais trouver quelqu'un de plus puissant », et bim, le raccord nous montre Willow. Ouais. Nous montre Willow en gros plan, voilà, c'est elle la personne puissante. C'est la Willow que s'est mise vraiment la magie, là. Du coup c'est cette scène avec le très connu, avec le crayon qui le tourne, crayon, et qui fait tourner le crayon. Et ouais. Elle perd le contrôle dès qu'on parle voilà, de et c'est le début de son apprentissage de la magie. Et on sait ce que ça va donner, bien sûr. Oh, oui. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit dans cette scène que Buffy prend conscience que si elle n'avait pas eu la chance qu'elle a d'avoir ses amis et tout, elle pourrait être comme Faith. Où on voit que Faith, c'est aussi un double de Buffy, comme Van Willow va être un double. Une doppelganger de Buffy. Exactement. Le gag du crayon là, qui se met à tourner très très vite parce que, est super, est parfait parce qu'il nous explique que. La lévitation que pratique Willow ne peut se faire qu'en contrôlant ses émotions. Et lorsqu'elle parle de Faith, comme tu l'as dit, Mallory, Faith qu'elle déteste, elle n'arrive plus à contrôler ses émotions. Et le crayon montre que ça ne va pas du tout. Le crayon révèle, qui tourne très très vite, il révèle que Willow tente de ce que Willow tente de cacher. C'est sa rage contre Faith. Et donc, ça va être l'enjeu de tout l'épisode pour Willow, faire sortir d'elle tout ce qu'elle cache, qu'elle n'arrive pas à exprimer correctement. C'est équilibré. Et c'est un lien aussi avec les épisodes d'avant où. Suite à l'accident, le meurtre du Alan Finch, oui. Où Willow essayait de comprendre et de refaire un lien avec Buffy, mais elle faisait pas partie des mauvaises filles, du coup elle avait pas le droit de consoler Buffy, elle a pas pu partir faire son combat, donc elle a jalousie de Faith aussi, parce qu'elle se pose aussi la question, est-ce que je fais encore partie de ce groupe, est-ce que j'ai besoin d'être une mauvaise fille pour faire partie de ce groupe, il y a aussi le pouvoir négatif en elle, est-ce qu'elle accepte sa part d'ombre. T'as raison de noter ça, parce que plusieurs fois dans l'épisode, elle va dire que elle, I want to be bad, bad girl, ou je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle veut, elle a cette envie d'être mauvaise et qu'on arrête de la prendre pour une petite fille exactement. Gentille et sage. C'est de la haine de Faith, mais c'est aussi de la jalousie un peu oui. De Faith. Qui est proche d'une certaine manière. Elle aimerait bien prendre un petit peu de sa personnalité. Exactement. Et la première scène juste après le générique, une scène complètement géniale dans le bureau de Snyder. On aime bien Snyder. Dans ce premier acte, on va nous montrer que Willow subit les choses, hein, et que tous les autres imposent leur choix à Willow. Et on attaque direct avec ce qui se fait de pire dans le genre pour une femme, un mariage forcé. Hein, c'est comme ça que Snyder... Il décrit comme ça la situation avec son humour douteux. Hein, il est This is a marriage made in heaven. Match. Il est imposé à Willow d'aider. Do you want us to breed? Elle a une question, Willow, géniale. You want us to breed? Vous voulez vraiment qu'on fasse des bébés? Enfin, c'est effrayant. Non, mais Willow a très très peur. Donc, il est imposé à Willow d'aider le champion de basket du lycée à faire ses devoirs en langage de Snyder. Ça veut dire qu'il faut tout lui faire à sa place pendant que lui, il va gagner des matchs pour le prestige de l'établissement. Petit rappel de Go Fish, quand même, l'un des épisodes. C'est vrai, ouais. Culture de la saison 2. Et voilà, et c'est marrant parce qu'on en avait parlé dans le dernier épisode qu'on avait commenté, sur Reptile Boy, où on avait Jice qui utilisait les facultés de travail hors du commun de Willow à pour lui, oui. Et ben là on a pareil avec, on va voir que c'est généralisé en fait, tout le monde utilise exploite Willow complètement quoi. Et puis on voit là déjà que Snyder il met en avant le fait que en fait le parfait équilibre c'est un milieu entre ce qui est Willow qui est dans la réflexion et l'intellect et ce qui est Percy et les autres plus dans le physique, dans l'action et dans l'affirmation de soi. Percy, on va le voir, c'est un énorme débile. Hein. Lui, il a que ses... il a pas l'intellect, quoi. Que ses facultés physiques. Hein. Et on voit qu'après, ça continue avec ses amis, en fait, Willow. C'est ça le pire. Et ce qui est très marrant, c'est que dans la scène où elle rentre dans la bibliothèque, Buffy, elle demande à Willow, mais il t'a menacé alors pour faire ça? Parce que pour Buffy, c'est inenvisageable de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Tu vois. C'est vrai. Faith et Wesley. Wesley qu'on voit pas souvent dans le podcast, hein. Ça fait plaisir de le voir. Il y avait d'ailleurs un truc rigolo, au moment où apparaît le nom de l'acteur qui joue Wesley, Alexis Denisov, c'est au moment où Snyder, donc dans le bureau, parle de mariage. Alors c'est complètement une coïncidence évidemment, mais c'est une coïncidence rigolote parce que si vous ne le saviez pas, donc Alexis Denisov, l'acteur qui joue Wesley, et Alison Hannigan l'actrice qui joue Willow, eh ben, sont mariés et femmes aujourd'hui. Ils se sont mariés en 2003. Ils ont deux filles ensemble aujourd'hui. Donc c'est un peu mignon de voir ça. Et là, on voit que Jace aussi a son double dans la saison, c'est Wesley. Ouais, c'est et vrai, ce ouais. qui est très marrant dans cette scène, c'est que Jace est une figure d'autorité très bienveillante. Donc on sent qu'il a trouvé lui son équilibre en ayant rencontré son double. Et son en ayant quitté le conseil. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il parle avec une petite sucette en forme de cœur dans cette scène. Ah ouais. Alors il est là, tout autoritaire et tout paternel bienveillant, mais il a sa petite sucette à côté parce qu'il est ok avec ce qu'il est en fait. Et puis il fait exactement ce que vient de faire Snyder. Il impose à Willow de faire des choses contre son gré. Et Willow, on est au tout début de l'épisode, donc Willow s'en rend pas compte en fait. Elle vient d'expliquer à Buffy qu'on l'exploite pour faire quelque chose. Et elle se rend pas compte que Jace lui demande exactement la même chose. Donc, parce qu'on est au début. Et comme on le répète souvent dans ce podcast, pendant le premier acte, on rabâche toujours la même idée pour que ça rentre dans la tête du téléspectateur, de la téléspectatrice et aussi des personnages. Elle va finir par comprendre, la petite Willow, que tout le monde l'exploite. Non, c'est génial. Entre-temps, Faith est arrivée. Elle a fait sa petite... Elle a minaudé un peu. Ouais, elle l'appelle Sugar Daddy. Buffy, je suis ta copine. Bah, elle fait un peu ce qu'elle fait avec tous les hommes pour se défendre. Oui, elle rentre dans la séduction pour prendre. Elle est avec le maire, du coup, dans son nouvel appartement. Avec et le maire, il rentre pas dans son jeu. Il la traite plutôt comme sa fille. Du coup, c'est là qu'elle va se sentir en confiance, en fait. Ouais, tout à fait. Et elle l'a pas dit à ce moment-là de la série qu'elle est avec le maire maintenant. Elle l'a pas dit à Buffy et les autres. Encore. Non, elle doit cacher, pareil, une histoire de la dualité à l'intérieur. Elle doit cacher qui elle est vraiment auprès du Scooby Gang. Elle doit cacher qu'elle a basculé dans le côté obscur de la force. Là, Oz et Willow, donc Oz est le petit copain de Willow, et il fait lui aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il il dit, j'ai pas pensé que ça t'intéressait, quoi. Il parle de son concert, en fait. Même Oz, le petit ami gentil, il fait pareil avec Willow. Lui aussi fait pareil. Il n'a pas proposé à Willow d'aller au concert, et surtout, il lui a pas demandé son avis. Il a supposé tout seul que ça n'intéresserait pas Willow, et Willow est un peu embêté. Attends, qui te dit que ça m'aurait pas plu, voilà. T'as pas, et surtout, il n'a pas à choisir à sa place, quoi, c'est ça. Oui, oui. Et voilà. Un comportement, pardon. Tout cet acte 1, c'est ça, c'est une succession de personnages masculins qui vont dire à Willow, fais ci, fais ça, et elle va dire oui. Elle va essayer de dire non vite fait, et puis comme ça va finir par l'énerver. Ouais, pas que masculin, parce que Anya, Buffy vont faire pareil. Là, le plan est génial. Regarde, il y a le gros Percy, sa grosse tête qui prend tout la moitié de l'écran, et la petite Willow derrière, déjà, qui court après lui. Enfin, c'est elle qui lui rend un service, et c'est elle qui est obligée de lui courir après pour lui réclamer de l'aider. Enfin, ça n'a aucun sens. Et Joss qui fait des plans longs, des plans séquences et tout, qui laisse la place aux acteurs, c'est super. Ouais. Willow est humilié par Percy. Percy lui dit en gros, t'es à ma botte, tu fais ce que je te dis de faire, et puis basta, quoi, c'est tout. I'm eating this now. It's not lunchtime, I don't even care. Elle fait la punk Willow, elle décide de manger sa banane en dehors de l'heure du repas. Voilà, elle brave tous les interdits. Mais voilà, là, il va y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ses deux meilleurs amis, qui sont Xander et Buffy, qui sont censés la soutenir, l'aimer, la connaître le mieux, ils en rajoutent une couche. Ah voilà, parce que c'est une histoire de est-ce que t'as enregistré tel programme, je sais pas quoi. Tu es all reliable, tu es la bonne vieille fiabilité. Hein, et là, Willow, ça l'énerve. Mais non, je suis pas comme ça. En plus, Xander, il en rajoute des caisses. Il se comprend rien. Le père, voilà, il parle de All Yeller, c'est le chien de Fidèle Vagabond. Il parle de All Faithful, c'est le geyser de Yellowstone. Enfin voilà, elle est comparée à un chien et un geyser, la pauvre Willow. Ouais, et elle dit qu'elle voulait être sexy. Elle dit, c'est sympa. Xander, surnom sexy. Mais oui, elle en a marre d'être le dormat de personne, d'être un paillasson en fait. Et pareil, Xander, il est nul à chier dans cette scène. Il dit je pense qu'elle fait une crise de nerfs. Enfin, n'importe quoi. Il comprend rien. Donc, Willow s'énerve, mais c'est un énervement mignon. Parce que c'est Willow. Ça marche quand elle s'en va là. À la fin, storming off. J'adore. Je veux voir comment elle marche parce que j'adore qu'elle explique. J'ai besoin que tu me laisses partir. Ça marchera pas si tu es. Ah oui. Elle est trop mignonne. En fait, Nabla faisait et Mallory faisait la démarche. C'est toi qui faisais la démarche tout à l'heure, oui. Oui, trop chou. Bon là, elle est un peu calmée, mais voilà, elle en a gros sur le cœur, la pauvre Willow. Elle tombe sur Anya. Et enfin, quelqu'un lui propose quelque chose d'un peu dangereux. Et là, encore. Et en contre-plongée, plongée contre plongée. Ça se passe dans les escaliers. Hein. Willow est au-dessus, une position super. Là, ce plan est formidable. Il le montre très clairement. Sa hauteur. Willow est vu comme quelqu'un de supérieur pour la première fois de l'épisode. Là, un autre personnage. Ouais. Voilà, Anya vient la chercher avec beaucoup de respect et lui dit ah ouais c'est toi qui es fort, tu vas pouvoir m'aider parce que moi je suis nul. Bon, tout ça c'est du mensonge, hein, c'est Anya qui dit ça. Mais pour Willow, c'est la première fois qu'on la considère et surtout qu'on lui propose de la magie. Qu'elle descend à sa hauteur et qu'elle va accepter direct ce que lui propose Anya. Oui, elles se rejoignent en fait. C'est ça qui est Anya monte vers elle, ensuite Willow descend vers elle, elles se rejoignent sur un commun accord de danger. Voilà, sur le danger. Et d'ailleurs, elle demande est-ce que c'est dangereux. Anya dit non, pas vraiment, parce qu'elle pense que ça va la rassurer. Et Willow dit est-ce qu'on pourrait prétendre que c'est un peu dangereux quand même pour genre faire la bague. Et encore un super plan, regarde, qui descend sous les chaises. Moi, j'adore ces idées de réalisation parce que voilà, on est dans une salle de classe, mais on descend en dessous du savoir scientifique. On pourrait aller dans l'école sombre. Bah oui, on rentre dans l'occultisme. Allez, et le plan nous le montre. Et ça, c'est génial. et donc, elles vont faire Willow et Anya. Whedon, il pense vraiment comme ça. Il réfléchit à tous ses plans. Bah oui, et puis il avait on l'a déjà dit, mais il avait ce pouvoir, vu qu'il était showrunner, il pouvait faire les plans qu'il voulait parce qu'il savait que ça serait pas viré au montage parce que c'était lui. c'est lui qui avait le final cut, donc ça aidait de pouvoir faire des choix audacieux en tout cas. Mais il tente toujours des choses dans ces épisodes de toute façon. Là, on a un sort quand même assez puissant. Ouais. Willow nous a pas forcément habitué à ça. Donc, Willow a des flashs, notamment de l'épisode de Wish, avec la vamp Willow qui est sur le point de se faire tuer. Ils sont en train de faire revenir ce que Willow cherche, elle, pas ce que Anya recherche. Et là, Anya insiste en versant la poudre, ça montrer qu'elle force un peu, ouais, hein, quand même. Oui, elle résiste, Willow, ça se voit. En tout cas, la poudre tombe sur la main de Willow et pas sur la représentation. Il y a un souci. Pas sur le collier. La scène est pas mal, la scène est cool. Donc, au lieu de faire revenir le pendentif, comme tu le dis, Nabla, ça fait revenir. Enfin, on le comprend Willow. Pas. On le sait pas encore, nous, mais. La part sombre de Willow. On le sait dans quelques secondes après la petite blague de. Ça fait revenir. La magie, c'est dangereux. La magie, c'est dangereux. Si tu permets, je vais aller faire les devoirs de quelqu'un d'autre. Et là, elle commence, c'est la première fois qu'elle commence à s'affirmer. Elle lui dit non. Et oui. Ouais, oui. Elle lui dit tout un vrai non. Donc, ça commence déjà. Et elle est debout. Elle est debout, ouais. Ouais, mais là Willow comprend qu'il se fait manipuler aussi par Anya quoi. Mais c'est vrai, Willow commence à prendre du pouvoir petit à petit. Ça va être son chemin pendant tout l'épisode de prendre conscience qu'elle peut dire non aux gens, qu'elle peut avoir du pouvoir, qu'elle peut imposer ses propres choix. Mais là, elle le fait. Ses pattes de poulet sont à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est Anya qui a pris pour tout le monde quoi. C'est trop mignon, mais voilà. Ça annonce un peu aussi la relation Anya-Willow, parce qu'Anya va devenir un personnage évidemment très important. Déjà un peu dans la rivalité. Elles ont en rivalité un peu toute la série, ouais. Et ouais, là, bah ouais, c'est effectivement ça console. Et là, bim, fin d'acte 1, Vamp Willow débarque dans l'univers. Là où on l'avait laissé. Hein. Ouais. Dans le fin d'acte 1, ce sera elle la weird. Usine de production de sang. Enfin, de production. Ouais. Et ben oui, parce que souvenez-vous, l'épisode The Wish, là, donc là, on est dans une scène dans une rue de Sunnydale. Rappelez-vous, dans l'épisode The Wish, la même rue, dans cet univers alternatif, d'où vient Vamp Willow, cette rue, une fois la nuit tombée, était désertique, hein, triste, dangereuse. Et donc là, c'est une surprise. C'est l'inverse, là. Il y a plein de monde, les gens sont contents, ils sortent. C'est une surprise pour Vamp Willow de découvrir un centre-ville de Sunnydale avec des enfants joyeux qui courent partout. Voilà. Horrible. Les seuls cris qu'elle entend, c'est des cris de joie. Et on va voir qu'une grande partie de cet acte 2 est du point de vue de Vamp Willow pour qu'on se mette à sa place et pour créer de l'empathie. On montre en empathie avec elle un peu. Ouais. Pour se dire, bah, la pauvre et tout, elle est pas à l'aise, elle est pas dans son monde. Voilà, et c'est exactement ça. Là, il se passe un truc génial. Priorité au direct, ouais. On passe au bronze. Les paroles sont. Tellement parlante. Virgin State of Mind. Vas-y, oui, dites-nous. In my head. Le morceau Virgin State of Mind du groupe Keishos, donc est chanté. Les paroles sont complètement liées à ce qui se passe aujourd'hui avec quelqu'un qui n'arrive pas à faire sortir des choses qu'il a en lui. Elle dit, là où il y avait ma bouche avant, il y a une serrure. Voilà, j'arrive pas à m'exprimer. On voit que Willow, elle a besoin d'ouvrir cette porte qui se trouve à la place de sa bouche. Et l'autre coïncidence folle, figurez-vous que la personne qui chante ce morceau s'appelle Sam Bennett, elle est belge, et surtout cette personne est née femme avant de faire son coming out trans en 2019. Donc cette thématique de notre épisode du jour avec une Willow qui en gros ne ressemble pas vraiment à la Willow qu'elle voudrait être, elle colle complètement à la scène. Pareil, c'est sûrement une coïncidence, mais la chanson, même que jusque dans son interprétation de la chanson, ça colle complètement à la thématique du jour, ah oui, en fait. Et que la personne qui l'a chanté, du coup, avait déjà ce truc à dire. Et oui, et peut-être que les paroles de la chanson étaient un peu liées à ça. Enfin, ça, on ne sait pas, on n'y sera pas, mais voilà, tout est lié, tout fonctionne super bien. La réplique culte de Dark Willow, hein, le Borrow Now, qui sera repris en saison 6. C'est ça, elle vient de l'utiliser sur. Sur le gros persil. Sur le gros persil. Qui... Sur le gros persil. Même là, il fait moins le malin. Effectivement. Elle chope le cou. Elle soulève. Et oui, Born Now, c'était le mot, enfin, l'expression par laquelle était introduit le personnage de Vampulo dans The Wish déjà, pour montrer, ah, je m'ennuie. Et vous le savez si vous avez vu la suite de la série, c'est le mot qu'emploiera Willow, cette fois Dark Willow, au moment de tuer Warren. Donc voilà, ce Born Now est complètement symbolique de la noirceur que Willow peut avoir en elle. Eh oui. Et on a marre des gens, quoi, quand elle est. Ben Willow fait un gros câlin à Xander et elle comprend. Ouais. Enfin, ils vont comprendre tout de suite qu'il y a un truc bizarre. Sa phrase « Hands in new places » est très très drôle aussi. c'est nouveau. Elle est déçue puisqu'elle se rend compte que Xander est vivant. Voilà. C'est dommage. Elle dit « You're alive », elle trouve que « Everything's different ». Buffy arrive. Buffy arrive, personne voilà. La reconnaît, quoi. Ils sont surpris par son look, en fait, parce qu'on ne l'a pas dit, mais... Extreme. Un look cuir, sexy, qui n'est pas du tout raccord avec la personnalité de Willow. Ah, ils ont vraiment pris des costumes parfaits, parce que le costume qu'a la Willow de notre monde dans cet épisode est juste over the top de mignonnerie. Les deux sont over the top, d'un extrême à l'autre, quoi. C'est ça, le pull à fleurs roses, et là, le décolleté cuir plongeant. Et là, Buffy est mignonne, quand même. Et c'est vraiment une bonne amie, parce que même si elle voit que sa pote a fait des changements radicaux... vestimentaire, elle lui dit non mais bon bah ok si tu veux être comme ça pourquoi pas et tout, enfin elle essaye de voilà d'accepter que son ami fasse et là hop, get off me et là c'est horrible et oui là c'est dur le choc. Buffy et Xander comprennent qu'elle est morte parce que ouais ils voient les crocs de vampires et le visage de vampires sur le visage de leur ami et ils sont vraiment très très tristes et on repart dans du Buffy classique là. Et surtout on reste avec Vampulo parce que je vous dis cet acte 2 c'est son point de vue à elle et il se fait agresser par des vampires, une ruelle sombre, une frêle jeune femme se fait agresser par deux gros costauds et elle leur pète la gueule parce qu'on est dans Buffy la gueule, ouais. Elle les défonce et elle fait le truc du coup des doigts là. Ah, ça, je peux pas regarder cette scène. C'est qui toi, tu bosses pour qui et tout? Est-ce que Buffy, je me pose la question en regardant l'épisode, est-ce que Buffy elle fait pas aussi casser les doigts des vampires comme ça à un moment donné? Elle le fait torture, dans. C'est pas une torture comme ça dans le même genre? Dans When She Was Bad. Elle retourne un doigt comme ça? Peut-être pas un doigt, mais elle le torture avec. C'est Whedon, dès qu'il veut qu'un de ses personnages montre qu'ils sont méchants, il torture quoi. Il a des évilés. Dans When She Was Bad, c'est un peu la même idée, Buffy revient avec un autre état d'esprit. Et puis là, c'est surtout. Alors, il y a aussi le cassage de doigts, il y a Giles qui se fait casser des doigts par Angel dans. Oui, c'est vrai, exactement. Dans Becoming. Et Whedon est un fou de cassage. Mais non, mais là, cette scène, c'est surtout la ref, c'est les films de gangsters, les films de malfrats. Pour qui tu travailles, pour qui tu travailles, il demande ça. Et il finit le gars, le gros costaud, il doit faire 150 kilos de muscles, quoi, il est monstrueux. Et bien la petite Willow, il finit par dire oui, je travaille pour toi. Ouais, c'est le début de l'idée, chouette. Exactement, ouais. Là, c'est la déchéance, là. Ouais, Xander et Buffy arrivent à la bibliothèque, ils vont annoncer à Giles la mauvaise nouvelle. Il y a encore des échanges. Ça va devenir une scène hyper drôle, en fait. Ouais. Alors ça devient une scène hyper drôle. Là c'est très drôle. Dans l'épisode Passion où Jenny meurt, leur tristesse profonde qui était vraiment belle. Ouais, c'est pas là, la même. Là c'est Willow. Et... Là, c'est la sur le comique. Ouais, c'est parce que comme nous spectateurs, on sait que Willow n'est pas morte, on peut pas avoir de ressentir comme eux. Ce passage où Xander dit elle était meilleure que moi et Jess répond bien meilleure. C'est juste génial. Voilà, c'est là où on voit tout le Whedon dans l'écriture de la comédie, la scène est parfaite, quoi. Et mais elle va se conclure avec l'arrivée, évidemment, de Willow. Ouais. Parce que là, on pouvait pas jouer le premier degré dans cette scène. Hein, voilà, donc on est obligé de faire des caisses sur l'humour et ça marche très bien. Déjà, Xander, il est très cool. Il est vraiment trop drôle. Il est hyper courageux, il y va. Get back, démon. Il va secouer sa croix qui marche pas, là. Ah, elle est cassée, elle a pas de réseau. C'est n'importe quoi. Ça, c'est génial. Le plus drôle, c'est Giles qui va donc se jeter dans les bras de Willow. Le cri de Willow. Alors qu'il est censé le fait, Xander le fait, puis Giles va le faire également. Elle demande une explication. La dernière personne censée. Et pas pareil, on va beaucoup revenir sur l'étouffement dans cet épisode, sur le manque d'oxygène, sur les faits que les vampires n'aient pas besoin de respirer, sur le fait de se faire étrangler, pour montrer qu'il y a un truc dans la gorge qui a besoin de sortir chez Willow, et vraiment sa voix, en fait. Ouais. Donc ils sont ravis et comprennent donc qu'il y a un souci. Eh bien oui, comme tu le dis, Jazz va dire la même chose. Hein. On va lui demander qu'est-ce qui se passe. Tout le monde va se tourner vers lui. Bizarre. Et il va te dire, il va bégayer, something strange, voilà. Et il y a Xander qui sort une réplique du génial. Ouais. Très bonne vanne de Xander. Pourquoi il s'est fait virer du conseil. Ouais. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Franchement, vous pouvez comprendre que le conseil des observateurs ait laissé ce gars partir. Il le fait sans se regarder en plus. Oui, oui. Mais là, c'est une pure scène comique. Enfin, là, effectivement. C'est presque cartoonesque en fait leur réaction, mais oui, c'est vraiment surjoué. Et on enchaîne avec une autre scène très drôle. Anya au bar du Bronze qui demande une bière et le serveur ne veut pas lui en donner parce que la bière c'est à partir de 21 ans hein, aux États-Unis. Et elle en a que 1120. C'est ce qu'elle dit, mais j'ai 1120 ans. Et il ne veut pas savoir. Elle accepte son sort en demandant un coca. Un coca, ça ferait affaire. Et les Dingoes Ate My Baby se préparent à faire un concert juste après Cast Choice, ce qui me semble être un bon choix. Franchement, c'était la première partie de Cast Choice, la première partie des Dingoes. C'est clair, ça n'a aucun sens. Là, dans cette scène, on a vraiment j'aimerais bien qu'il y ait plus d'échanges entre Angel et Oz série, parce que là, franchement, ils sont aussi hyper opposés l'un à l'autre. T'as Angel qui est toujours hyper sérieux, dark, qui prend tout au premier degré, et à côté, t'as Oz qui lui répond que des trucs au second degré à côté de la plaque, et c'est juste génial. Zarfin, tu mettais qu'il y avait une scène coupée. Une réplique coupée où il y a Devon qui demande à Angel d'être Roddy. Il y avait une interaction entre Devon et Angel qui a été coupée. Ça peut pas être notre Roddy. Franchement. C'est trop drôle ça. Un duo Oz Angel, ça serait pas trop drôle. Ça serait génial. Après Reaper, on fait la série Oz Angel. Ça serait trop génial. Les vampires ont débarqué au Bronze. Exactement, voilà. Puisque Willow a décidé de monter son gang et essayer de recréer le monde qu'elle connaissait, et donc repartir du Bronze, puisque c'était là qu'était le siège des vampires dans Wish World. Voilà, parce que donc, l'idée de Vamp Willow dans ce deuxième acte, c'est vraiment de refaire que la réalité redevienne comme elle le veut. Il y a un plan super à la fin du cassage de doigts, là. Le plan est débulé et le plan se remet droit. Et Willow dit un truc, j'ai plus mes notes, mais Willow dit un truc genre on va rendre le monde meilleur. On va remettre du fun dans ce monde ou je sais plus quoi. On va remettre le monde comme il devrait être. Et là, voilà, c'est exactement ce qu'elle veut faire. Et là, elle est contente. Elle voit que everyone is afraid, tout le monde a peur. Et c'est ça qu'elle veut. Elle veut changer le monde pour qu'il colle à sa réalité. Bon, on va voir à la fin qu'elle ne réussira pas. C'est plutôt aux gens de changer plutôt qu'à essayer de changer le monde, en fait. Mais si ça va être un épisode huis clos, en fait, ça va se passer plus qu'au Bronze maintenant, presque en tout cas. Et là, Sandy, regardez, c'est Sandy! C'est Sandy! Sandy qui reviendra dans Buffy plus tard, c'est ça, ouais, saison 5. Qui reviendra dans presque deux ans, c'est complètement fou. Donc, Sandy, ce personnage interprété par Megan Gray, donc qui va être, spoiler alert, mordu, et probablement donc ensuite changé en vampire par Vamp Willow. Mais ça, on le voit pas, ça va être ellipsé. On le comprend parce que dans l'épisode Family, donc ouais, en saison 5, presque deux ans après. Écrit et réalisé par Joss Whedon. Toujours écrit et réalisé par Joss Whedon. Il a eu l'idée de rappeler cette petite Sandy. Pour lui faire jouer. Pour lui faire jouer un vampire. Ouais, le vampire qui essayera de. Avec Riley. De mordre Riley. Et avec qui Riley fricotera au lieu d'être à la boutique magique, sympa. Rappelez-vous. Dans sa salle bizarre. De shoot. Et donc on a quand même Devon qui dit que la copine de Oz est sexy. Il y a un petit coup de langue sur le cou. Mais Oz, ça n'a pas l'air de lui plaire des masses de voir sa copine. Il y a le côté sexy que Willow voulait. Pour lui, elle est morte. Ouais. Mais au-delà de comprendre que là, il comprend vite qu'il y a un problème. Enfin, il réagit pas comme les autres. Moi, en je fait. Pense qu'il se rend compte que c'est pas vraiment Willow. Ouais. Il y a beaucoup de froncements de sourcils dans le jeu il de voit Oz. Qu'il y a un truc bizarre. Alors que les autres disaient oui, c'est Willow, mais elle est morte. Et lui, il est. Et voilà, et c'est validé par Anya, qui comprend tout de suite ce qui se passe et qui comprend aussi surtout qu'elle a, elle peut gagner quelque chose de cette situation. Oui, elle va s'associer avec elle. Elle explique que oui, je vois, toi tu viens pas de ce monde-là, de cette réalité-là, t'inquiète et je vais t'aider. Parle encore de poney, de Vamp Willow. Elle veut chevaucher les gens comme des poneys, c'est une thématique qui revient. Son petit truc, quoi. Bah ouais, et d'ailleurs, c'est un gag étrange. Apparemment, c'est ce que faisait Joss Whedon dans les couloirs. Il chevauchait des poneys Il proposait à Alison Hennigan ou à Sarah Michelle Gellar de le chevaucher pour faire du poney. Oh putain. C'est Kelly Manners, un des prods de la série, qui raconte ça. C'est très très bizarre comme anecdote. Obligé de parler de. Oh my god. Donc pendant ce temps-là, Willow. Chacun ses kinks après, écoute, on n'est pas là pour juger. Hein. Okay, Angel vient chercher Buffy et Willow et ils sont au courant. Ça c'est très bon aussi, très très drôle. Il y a un plan, donc le plan Angel au premier plan et il y a la vraie Willow derrière et il leur annonce qu'elle est morte, mais il est ridicule. Il est à fond lui. Attends. Là salut Willow. Un peu plus intelligent. Salut Willow et puis il se rend compte qu'elle est là. Très bonne scène encore. Ouais. Le petit signe de main. Xander qui appelle Angel Buddy. Ouais, là ils sont potes pour le coup. Ouais, là ça va en ce moment. Ça parle pas de ça, là. Ça parle pas de Buffy, donc. C'est très calme. Tout va bien du coup. Voilà le petit. Ah, au fait, j'ai oublié un truc dans le. Ouais. Ça, j'adore ce plan parce qu'il nous fait le même plan qu'en saison 1. Le plan où le Scooby Gang sort pour aller à la bagarre et tout. Mais hop, c'est générique. L'effet épique est désamorcé par Willow qui. Parce que c'est la petite Willow, hein, qui pense toujours aux autres avant de penser à elle et qui se dit mais attendez, mon double là, vous allez être violent avec elle là. Et tout de suite, elle retourne vers la bibliothèque pour, on imagine, choper un truc pour essayer de faire un sort ou on sait pas quoi. Enfin. Le fusil. Pour protéger sa petite oui, puis ça, sur son double. Ça représente aussi le fait que c'est une part d'elle qu'elle a pas envie qu'on lui enlève, je pense. Cette part qui a plus confiance. Ils sont encore en train d'essayer de lui enlever. Mais t'as raison, Nabla, elle veut aller chercher le fusil pour l'endormir. L'endormir Déjà maintenant, elle a l'idée de ne pas elle tuer. Elle est tellement intelligente. Et donc la scène géniale où elle est face à son double. Ouais. Effets spéciaux de. C'est ambigu. La scène est bien faite. Hein. Donc il y a doublure évidemment, fond vert pour les plans où elles sont toutes les deux. Et le problème, c'est que voilà, Willow qui pense aux autres avant de penser à elle-même, eh ben, ça la conduit, ça la met en danger en fait. C'est ça aussi que nous dit cette scène, c'est qu'à vouloir trop penser aux autres, ben, voilà, elle se retrouve en danger, à être prise au piège de Vamp Willow qui veut encore l'exploiter. Hein, retour en acte 1 où tout le monde veut exploiter cette petite, et là l'autre lui dit eh ben, attends, à nous deux, on peut. Justement, elle lui dit que si elle intègre ses deux parts d'elle-même, elle pourrait faire des trucs de ouf en vrai. Ouais, c'est ça qu'elle lui dit là. Il y a une connotation sexuelle à mort aussi. Elles vont coucher avec soi-même. Elle lui lèche le cou pour préparer le fait de la mort, mais elle a le fantasme de coucher avec elle-même finalement. C'est pour ça que Willow dira après ma version vampire était un peu homosexuel. Enfin voilà. Oui. Elle dit, I'm kind of gay. Ça c'est super intéressant. Willow n'arrive pas à dire. Elle, en parlant de Vampulo, elle parle d'elle-même. Vraiment son double. Elle parle d'elle-même. Pas au début, ouais. Elle n'arrive pas à avoir quelqu'un d'autre dans ce Vampulo au début. T'as raison, Nabla. Et ça, c'est super important, le personnage. Sure. It's extraordinary. That's me as a vampire. I'm so evil and skanky. And I think I'm kind of gay. On peut parler de la VF problématique aussi, parce que dans cette VF, elle dit pas je pense que je suis un peu homosexuelle, elle dit je crois que j'ai des mœurs très douteuses. Ah oui, c'est ça, VF. C'est ça la VF. C'est chaud. Effectivement, Claire Gueux nous l'avait raconté dans une autre soirée au hasard ludique. Effectivement, au niveau de la traduction, il y a des choses sur lesquelles M6 était intransigeant et ils étaient encore à la vieille époque où ils voulaient pas évoquer certains sujets. Et là, Angel commence à évoquer le fait que la personnalité vampirique de Willow est peut-être pas si éloignée de sa personnalité parce qu'en fait, c'est la même chose, mais ça exacerbe les... C'est plus, elle s'est même fait dans le sens où... Je dis, de toute façon, c'est pas toi, de toute manière, mais c'est Angel dit, ah ouais, un petit peu quand même. Il y a le côté, si son vampire est un peu gay, peut-être que Willow, elle est un petit peu aussi. Tout à fait, quoi. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Dans un an, elle fera son coming out dans une saison. Et là, l'actrice quand même, qui est, je trouve, très, très forte. Voilà, c'est génial ce qui se passe. Un autre costume, mais... On voit clairement que c'est l'autre très drôle. Ouais, parce qu'elle n'arrête pas de se tortiller. Tu sens qu'elle n'est pas bien. Elle joue avec son corps aussi. C'est pas que du dialogue. Elle a une démarche, des postures. Donc là, on explique pour ceux qui n'ont pas l'image, il se passe quelque chose de fou. C'est que Willow prend le costume de Vamp Willow pour interpréter Vamp Willow auprès des autres pendant que Vamp Willow est enfermé. Est enfermé, mais avec le costume tout mimi, tout mignon de Willow normal. Enfin, et on est dans du théâtre classique, même pas. On sait que Joss adore le Shakespeare, mais plein d'auteurs classiques de théâtre ont joué avec les costumes. Le déguisement pour s'affirmer, enfin pour se retrouver soi-même. Ce qui permet de révéler des choses qu'ils ne savent pas. Et là, on est au cœur de ça avec ces scènes qui vont arriver où il y a plein de déguisements et il y a plusieurs niveaux différents. Et puis Willow a pris le costume de Vamp Willow et du coup, elle a littéralement enfermé l'autre Willow avec son costume à elle dans la bibliothèque. Dans une cage dans la bibliothèque avec des bouquins. Oui, c'est ça. Le parallèle est génial. C'est ça que nous dit l'épisode, c'est qu'il ne faut pas enfermer les choses, il ne faut pas les séparer, au contraire, il faut les relier, les regrouper. C'était sa part d'ombre. Exactement. On en parlera peut-être un peu après. Oui, si on a envie, bien sûr. Peut-être, oui. Oui, la scène est géniale où donc Willow leur dit « Ah, va voir dehors !» Elle a fait le petit coucou à Oz et tout. Elle est pas du tout... Et Anya comprend très vite qu'il y a un truc bizarre, quand même. Pas si vite que ça. On a tout le début, là. En fait, c'est elle, et Oz, il comprend direct. Ouais, Oz comprend direct. Que c'est Willow qui est là. C'est là le coucou. Ça va être là tout le... Ça c'est très bon. Ça c'est ma petite Willow que je reconnais là. Ah ouais, j'adore. C'est clair. Génial. Alison Engel qui rejouera une doppelganger dans l'autre série où à laquelle elle aura un rôle récurrent dans Highway Met Your Mother. Joue la doppelganger. Ouais. Et joue donc elle s'appelle Lily et elle joue une stripper. Il y a stripper Lily. Ouais. Ah, une sosie de Lily. Putain, mais ils ont vraiment tout copié sur Friends. Ils ont tout copié. Mais oui. Il y a des épisodes où ils ont tous un sosie en fait. Ils ont poussé le truc encore plus. D'accord. Bref. Donc, ils ont pris le temps de rhabiller Vamp Willow avec son, donc les costumes, le costume qui de la vraie Willow. Le costume avec ses bouquins là. Vamp Willow, quand même. Il y a un an et demi, elle pouvait pas mettre un costume de femme sexy. Elle a dû se cacher derrière un drap pour faire un fantôme. Et là, elle s'assume. On peut parler de Cordy. Ah oui, priorité au direct. Cordelia débarque. Cordelia vient d'arriver. Incroyable. Cordelia qui porte une tenue très simple. Wesley. Ça fait normal. Oui, elle vient pour essayer de trouver Wesley. Hey, me what? I have a name, you know. Cordelia. What did you... Elle voit que Willow est enfermée dans la cage. Elle dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais t'ouvrir. Elle lui dit, tu t'es enfermée toi-même dans une cage remplie de livres. Ça, c'est très beau, quand même. Mais Cordelia, qui est quand même maline, va profiter du moment parce que donc elles ont un petit passif toutes les deux. Pas si innocente que ça. Probablement parce que Hands in New Places. Voilà, il y a eu l'histoire Xander Willow, truc horrible dont on veut pas parler. Hein, c'est de l'inceste, hein, c'est très bilan. Pour moi, Xander Willow, c'est de l'inceste. Hein, pardon, mais je refuse de blablabla, c'est assez sale. Mais bref, donc là, on est après ça, et donc Cordelia dit, j'ai peut-être profité de ce moment pour avoir une conversation avec cette femme qui m'a fait du mal, et je vais lui dire, qu'elle m'a fait du mal. C'est très bon. Mais je trouve ça très bon. Ouais, elle a besoin de ça. Vamp Willow qui dit bon vas-y alors je t'écoute. Ça dure très longtemps. Cordelia c'est un peu la seule dans cet épisode qui voit que Willow qu'on trouve très innocente tous, elle avait déjà cette petite part en elle peut-être un peu subversive. On avait déjà oublié dans le monde en voyant l'épisode, c'est Cordelia vient nous rappeler parce qu'elle est perspicace Cordy, elle voit les gens. It would be like shooting fish in a barrel. Where's the fun? With all due respect. Ah là, le moment où elle s'accroche dans les cheveux de la fille là, quand elle passe ses doigts dedans, c'est juste génial. Bah oui, parce que elle est encore en phase d'apprentissage hein, dans ce rôle de méchante, elle galère un peu à être crédible. Oui, c'est là que Anya va se rendre compte qu'il y a. Et voilà, elle va se faire repérer par Anya évidemment. Wait a minute. C'est Columbo. Attendez une minute. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Oz, qui est quand même son copain, donc qui pourrait avoir envie de l'aider, il lui laisse complètement la parole et il la laisse gérer son truc. Du coup, on voit que les gens commencent à la laisser prendre un peu de pouvoir et de place, quoi. Oui. Non, mais c'est. Après, Oz est toujours discret, je sais pas. Oui, c'est vrai. Et donc là, on retrouve Cordelia et Vamp Willow. Et c'est formidable. Et on voit que. Non, mais il y a un truc qui est génial. Agrippé à la grille, j'en ai marre. Il y a des gros plans sur sa veine au niveau du cou de Cordelia. Vamp Willow s'excuse auprès de Cordelia pour avoir fricoté avec Xander et promet de ne plus le faire. Ça, c'est intéressant. Comme si les costumes. Ils prenaient les souvenirs et les personnalités. Les costumes influençaient les personnages. Ouais. Tu vois avec ce costume trop mignon, elle devient un peu mignonne hein, finalement. Elle ment, hein, mais bon. Elle ment complètement. Elle veut bouffer Cordelia. job at Diana, mais elle s'est quand même excusée. Et moi, c'est, parce que si on fait aussi un parallèle, si on fait le trajet de Vampuilo dans cet épisode, elle aussi va être influencée par ce nouveau, ce nouvel univers qu'elle découvre. Et donc là, il y a un truc génial. Donc, Cordelia est poursuivie par Vampuilo qui veut la bouffer. Et la course de Vampuilo est exceptionnelle. Elle est en bas là, ouais. Sa course avec cette tenue. En bas. Et on l'avait dit dans le dernier épisode consacré à Reptile Ball. Cordelia, elle est pas du tout féministe dans le sens où elle veut que les hommes et les femmes soient égaux. Elle veut que les femmes soient des femmes et que les hommes soient des hommes. Ouais, donc, elle veut tirer son pouvoir du pouvoir qu'elle peut avoir sur les hommes, du pouvoir sexuel qu'elle peut avoir sur les hommes. Et là, c'est complètement ce qu'elle reproche à Willow. Elle lui reproche pas d'être méchante. Elle lui reproche de lui avoir piqué son mec, quoi. Donc c'est juste ça. C'est pas du tout cette réaction de comme Wesley. Ça et ça c'est génial parce que Wesley et Cordelia sont les j'extrapole peut-être pas mais sont les deux personnages qui sont exactement à l'intérieur ce qu'ils sont à l'extérieur en fait pour eux-mêmes ouais, Wesley on voit qu'il est lâche et crédible, peureux qu'il est lâche Cordelia a dit tout ce qui lui passe par la tête ils ont sauvé Cordelia remarque. Et donc on voit que ça dure deux secondes la scène entre les deux mais parce qu'ils sont pas faits pour cet épisode la thématique leur convient pas parce que eux ils sont transparents quoi oui. C'est pour ça qu'ils ont que cette scène d'ailleurs bah oui. Et ils se moquent un peu de la mort de enfin en tout cas Cordelia se moque un peu de la mort de Willow. Oui, parce qu'il y a un date. Elle avait un date avec Wesley, c'est très bon. Et même, parce qu'on retourne au bronze, et ça y est, Willow est démasqué par le gros vampire là. Et, c'est pas le gros persil, c'est le gros vampire. Il a plein de muscles, il est super balèze. Et Anya qui a pris le contrôle des choses, et elle se met à crier, c'est génial. Et jusqu'à ce que Willow fasse appel à ses amis. Grosse baston. Avec une chorégraphie. Grosse baston. Qui est belle. Allez, à baston, paf. On voit bien les. Ouais, le combat, il est très réussi. On peut voir les making of. Ouais, Jeff Prout, le coordinateur des cascades, vous vous rappelez, a mis en ligne plein de vidéos super de making of et je vous mettrai les liens, mais cette baston et la baston dans la petite ruelle, on voit les making of dans les vidéos et c'est assez génial. Et on sait aussi que Jeff Prout, il aime bien chorégraphier d'une certaine manière ses chorégraphies. Ouais, et là, je sais pas si vous avez vu, mais Buffy, elle se bat avec la queue de billard et Angel se bat avec les boules de billard. Est-ce que vous voulez tirer des conclusions de cette chorégraphie pas, Je pense qu'il y avait un billard à côté. Hein. Oh. Ah, c'est bien observé. T'as bien vu cet épisode. Et il y a un truc hyper intéressant, c'est que Vamp Willow, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle essaye de tuer Willow, mais elle essaye pas de la mordre, alors que c'est quand même un vampire, elle pourrait lui briser la nuque. Elle essaye de l'étrangler. Ouais, et on en revient encore au fait. Elle empêchait de parler. Elle empêche de parler en fait. Ouais. Elle essaie de la faire taire. Putain, ça fait mal le coup. Le coup et allez, boule, il est de ses boules. Allez, boule. Dans la bouche. Angel en plus s'y connaît quand il faut toucher des boules. Il fout des tatanes. Et là, Buffy le dislike. Meuble. On les a perdus il y a deux secondes. Je suis dans un univers parallèle. Mince. Ouais, la baston est cool. Hein. Ah oui. Elle est trop bien cette baston. Elle est trop forte, Jeff Prout. Et hop, là, Buffy, elle va avoir des réflexes. Ouais, non, Buffy. Et là voilà, on a Vampuilo habillant Willow et Willow habillant Vampuilo qui essaye de se tuer l'une l'autre. Enfin, ça n'a aucun sens. Willow demande à Buffy d'épargner son double. C'est ça, parce que elle a besoin de cette part d'elle. Les deux facettes luttent pour s'anéantir, mais finalement, non, ne doivent pas. Elles doivent cohabiter. C'est ça que nous dit cette scène. Je pense pas, moi. Ah là là, mais tu penses quoi, mon petit Je pense qu'elle sauve son autre part pour la relâcher, pour l'amener là où elle doit être. Ouais, mais c'est à partir mais pas pour de l'intégrer. Au contraire, elle l'intègre pas puisqu'elle lui dit va-t'en maintenant. Non, mais elle veut la protéger. Parce que dans la série, elle va commencer à évoluer vers quelqu'un qui s'affirme plus. Ouais, oui, je suis d'accord. Il y a une part d'ombre qu'elle accepte, mais pas toute sa part d'ombre. Pas poussée à l'extrême. Oui. Mais c'est un peu ça l'idée. On a la raison parce que dans la toute scène de fin, il y a un truc qui nous fait penser que Willow a pas elle bien compris. À Chine, elle. Ouais. Bah faut le temps que le truc fasse son chemin parce que il y a un peu le même cheminement avec Buffy et Faith, c'est que Buffy elle va intégrer des parts de Faith. Exactement. Mais elle va quand même en rejeter aussi une grosse partie. Et il y a beaucoup ce truc dans la saison 3 où quand un double a fait son travail, il disparaît. T'as Faith à la fin de la saison 3 qui va tomber dans le coma parce que Buffy a pris ce qu'elle avait à prendre d'elle. Et là, c'est un petit peu la même chose. Willow, elle lui dit, bon, tu peux repartir parce qu'elle a pris tout ce dont elle avait besoin. C'est très ironique, puisqu'on sait que quand elle va retourner dans son monde, on va le voir après, avant Willow. Elle aurait dû rester. En fait, elle aurait dû rester. Parce que là, Willow, la vraie Willow dit, j'ai envie de lui laisser une chance. C'est comme ça qu'elle l'a tué. Et là, c'est... C'est là aussi de l'ironie à la Whedon, en fait. Là, regardez, dans le même plan, on a Willow et Vamp Willow qui ont la même réaction à Pierre Dania. Donc, elles se ressemblent quand même beaucoup. Premier plan, Jai et Sanya qui font de la magie ensemble. On rappelle qu'ils ouvriront une boutique ensemble. Ah. Boutique magique. Et là Vamp Willow qui se laisse aller un petit peu de tendresse. Bon, elle aussi, elle met des mains à des endroits nouveaux. C'était toujours la même. Oui, c'est vrai. C'est... Ah, mais tu vois, j'ai tout mélangé dans ma tête. Il nous dit sur le chat les chorégraphies de Jeff Prout, ça pète. Et là, Big M. Il faut engager cette personne. Donnez-lui une promotion. Il est déjà engagé. Grâce à ses blagues, d'ailleurs. Une prime, le mois prochain. Et voilà, tué par Oz. Ironie de l'histoire, Vamp Willow retrouve dans son monde, ce monde où elle devait être en sécurité, ou ce monde qui devait lui correspondre. En fait, ouais. Mais immédiatement après, elle est tuée par Oz. Rappelez-vous, vous avez vu l'épisode The Wish. Et donc là, effectivement, séquence de fin. Importante aussi. Et comme tu le dis, Nabla, Willow n'a pas du tout compris la morale de l'histoire, parce qu'elle dit, oh là là, mais si je suis méchante, je vais devenir comme elle. Donc sa culpabilité la ronge encore plus, et elle veut être encore plus vertueuse pour éviter de devenir comme Vamp Willow, en fait. Ça se boucle pas là-dessus, l'épisode, ça se boucle. Et voilà, il y a le twist de fin. Oui. Gros Percy qui lui montre que son côté un peu négatif peut avoir des avantages. Percy, donc, qui maintenant a fait tous ses devoirs, il a fait deux fois, il a peur de Willow, en fait. Voilà, ayant été menacé violemment par Vamp Willow, Percy a fait tous les devoirs, il s'excuse auprès de Willow, il a fait les deux devoirs, parce qu'il dit il y a eu deux présidents Roosevelt, je savais pas lequel fallait faire, donc je l'ai fait deux. Et la petite pomme. Bibliographie. Il est tout stressé. Bibliographie. Et la petite pomme, quand le même. Le gros à la persil fin, est tout stressé. Qui rappelle de la banane. Et voilà, c'est uniquement par ce twist que Willow comprend que, ah ouais, le pouvoir, ça peut amener des bonnes choses, en fait. Et c'est plus une banane qu'elle mange, c'est une pomme. Un petit lien avec le fruit défendu. Elle a croqué la tentation. Et son côté. Tu vas trop loin, Malo. C'était un épisode très sexualisé, donc c'est possible. Hein. Je vais jamais trop loin. Waouh! Wow. Eh ben, ça passe tellement vite un épisode. J'ai chaud au visage. Hein. Mille fois trop vite. Mais. T'as pas dit la moitié de ce qu'il fallait dire. Ah, mais non, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais c'est pour ça qu'on a la conclusion, mon petit. Tu peux dire tout ce que t'as pas dit maintenant. On va envoyer le jingle de la conclusion et on va pouvoir conclure. Bon épisode, hein, quand même. Très bon épisode. Ouais. On peut le dire. Cet épisode. C'est tout de suite la conclusion. Jingle. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, donc conclusion cet épisode, la morale, hein, il faut accepter sa part d'ombre, ses défauts. Ne pas chercher à les enfouir, mais juste savoir qu'ils sont là et vivre avec. Comme Willow va vivre avec, à partir de cet épisode, avec le souvenir de Vamp Willow. Voilà, c'est ma conclusion, c'est comme ça que je vois cet épisode. Parce qu'elle s'en souvient. Elle garde en tête dans un coin de cette épisode. Elle garde en tête. On en reparle dans un autre épisode plus tard, après The Replacement, saison 5, où Xander dit à Willow, j'aimerais bien te voir toi avec ton double si tu le gères mieux que moi. Oui. Et elle dit, bah, je le gérerai bien. Oui. Elle s'en souvient. C'est vrai qu'il n'oublie pas. Ben oui. Qu'est-ce que vous concluez, vous, de cet épisode d'Aventure Riley? Vous concluez quoi, vous? Que j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'était très, très, très, très, très, très bien. Et j'ai pas plus de choses à dire que toi sur le sens de l'épisode, en fait. Hein, et je pense que c'est très clair et c'est une des forces à chaque fois des épisodes de Joss Whedon, c'est que c'est hyper lisible, c'est hyper drôle. On comprend toujours les doubles sens. La mise en scène met en valeur les personnages, le jeu des comédiens. Enfin, c'est... Je sais pas combien est classé cet épisode dans la... C'est pas mon préféré de la série, clairement pas. Peut-être pas mon préféré de la saison 3, mais c'est un épisode génial, quoi. Il y a tout ce qu'on veut voir, à la fois du fanservice, finalement, en faisant revenir un personnage qui avait été apprécié au moment de la diffusion de The Wish. Le fait de voir Willow totalement différente de ce qu'elle est vraiment. C'est cool. Après, ça va être un petit peu surexploité, cette histoire de double. On a déjà... Je sais pas si c'est le thème de la saison, on en parlait tout à l'heure. Ah, c'est possible. Un petit peu. Bah, je sais pas, c'est le bah, thème. C'est au moins un thème qui est déjà exploité avec Buffy et Faith. Buffy et Faith, c'est quand même. Un thème qui va être exploité avec The Replacement, tu le citais plus tard dans la série. Il y a. Ils font tout le temps des doubles. C'est comme ça qu'ils. Enfin, pour moi, c'est comme ça qu'ils traitent le parcours des personnages en utilisant aussi les doubles pour parler du parcours des. Parce que oui, le message de Willow là maintenant, c'est super important pour Willow. Mais c'est aussi un message pour Buffy, tu n'es pas Faith, quoi. Ouais, oui, c'est un pardon, mais tu n'es pas elle complètement. C'est un motif récurrent, en fait, dans toute la série. C'est dans la saison 1, t'avais Cordelia qui servait de double. De double à Buffy. Exactement, mais plus maintenant. Ouais, effectivement. Sinon, elle a fait son rôle, elle va partir. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu parlais d'une référence sur les doigts qui se cassent à When She Was Bad. Il y avait aussi cette histoire de quand Buffy revient en saison 2, du coup des premiers épisodes de la saison 2, où elle est mauvaise. Elle a aussi ce, il y a aussi ce côté l'aversion où il faut qu'elle affirme, qu'elle accepte son côté sombre. Pour trouver un équilibre entre les deux, quoi. Qu'elle accepte une partie. J'ai bien aimé dans le résumé de Sartman. Je pense qu'il n'est pas question d'accepter son côté sombre, mais d'accepter sa part de sombre. Je trouve c'est. Oui, il y a des parties sombres qu'on peut garder, mais d'accord. Pas tout. Elle n'est pas obligée de tout accepter. Et parfois, elle peut exprimer des choses. Parfois, on peut garder des questionnements ou des envies ou des réactions qu'on a. On peut les garder pour nous-mêmes. On peut parfois les exprimer. Enfin, c'est ça aussi que nous dit. Il ne faut pas être un paillasson, comme dit Willow. Il ne faut pas être un paillasson tout le temps. Il ne faut pas non plus faire Vamp Willow et vouloir tout régenter et tout contrôler. Tout le monde, oui. Et tout le monde. Il faut trouver un équilibre. Oui, parce que Buffy, il y a beaucoup de choses de Faith qu'elle rejette. Il y a beaucoup plus de choses de Faith qu'elle rejette que de choses qu'elle intègre. Il y a juste des petites choses qui lui font comprendre qu'elle peut peut-être s'individualiser plus par rapport au conseil et plus s'affirmer quand elle veut pas faire quelque chose ou qu'elle est pas ok. Vis-à-vis, entre Faith et Buffy, il y a pas ce côté miroir finalement, parce que là c'est entre les deux, Willow sont exactement les mêmes, mais là Faith est brune, Buffy blonde, elles sont vraiment opposées. C'est l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, c'est une autre façon de traiter finalement la part de le côté sombre. Peut-être c'est plus valable sur Faith finalement que. Pour moi, c'est un peu le message aussi. Ta part d'ombre fait partie de toi, tu n'es pas ta part d'ombre. Quoi. Et donc, c'est pour ça que Buffy qui essaye de ressembler à Faith à un moment, mauvais choix, parce que tu essayes d'être ta part d'ombre. Mm. Non. Oui, ça marche pas. Accepte que tu as une part d'ombre, ça c'est sûr, mais tu n'es pas. Sam sur le chat nous parle de Bank Candy aussi, effectivement. Quand Buffy voit sa mère se comporter comme l'ado, c'est Buffy qui devient la maman, et voilà. Et puis il y a toute la fin avec les bébés, tout ça. Enfin voilà, il y a aussi ce truc de mettre un miroir en face des personnages pour leur faire comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils ne peuvent pas être. Tellement cette série. elle est pas mal. C'est bien écrit. Elle est plutôt pas mal. Et cet épisode, j'adore cet épisode. Le résumé de Sartman me plaît, il était vraiment bien. Il était bien ton résumé. Je trouve qu'à partir de cet épisode, Willow n'est plus la même. Elle a vraiment changé dans cet épisode. Elle a vraiment fait son boulot. Du coup, moi, j'ai un petit pincement à chaque fois quand je repense à l'épisode centré sur. Non, l'épisode centré sur Xander. Il avait une opportunité lui aussi de plus être le même. Et il est à nouveau le même. Et en fait, ça, je trouve ça un peu dommage. Alors que Willow, ils ont bien compris. Alors que peut-être que Whedon le fait dans la même démarche, en fait, de centrer un épisode sur les personnages qui accompagnent Buffy. Ah bah je pense que c'est oui. Mais il traite pas finalement de la même manière. Enfin, Xander n'évolue le pas. Le traitement était bien, mais la suite. Le traitement est bien, mais c'est vraiment tourné en comédie. The Zeppo, c'est montré que c'est la dernière roue du carrosse, alors que là, c'est pas du tout le thème de cet épisode. Enfin, il se fait pas du tout. Mais Xander, il avait une opportunité de changer quand même. Il avait une opportunité d'intégrer. Oui. C'est pas parce que t'as pas de pouvoir, t'es pas exubérant. Que tu fais pas partie du groupe. Tu fais partie du groupe pour d'autres. C'est qu'il a pas de recul, Whedon, sur Xander qu'il a sur Willow, en fait. Exactement. Xander, dans The Zeppo, il a aussi ce truc de. Il est confronté à une figure masculine qu'il veut pas être, et c'est là-dessus aussi qu'il. Il change pas, mais ça le confirme un peu que tu peux être un homme sans être un mec avec un gros couteau qui va agresser. C'est ça. Dans The Zeppo, Xander a la confirmation qu'on peut rester médiocre, rester dans l'ombre et que c'est cool. En fait, ça. Et donc, c'est là où c'est pas pareil que Willow, parce qu'il y a une envie de faire grandir Willow tout au long des 7 saisons. Dans qu'elle devienne un personnage extrêmement puissant et qui va changer le monde et voilà, et détail intéressant, Vamp Willow veut changer le monde. Qui changera le monde en saison 7, dans le dernier épisode de la saison 7, c'est Willow, avec ses pouvoirs qui changera le monde, avec potentiel, en donnant le pouvoir au potentiel. Donc il y a ça aussi, effectivement, Xander. Dans la logique de Willow, Xander, il ne va pas grandir. Xander, il doit rester le même tout le long. Et c'est peut-être après, si Willow change totalement, c'est pas aussi important ce changement que ce qui lui arrive en saison 4. Enfin, je suis d'accord, il y a des changements. C'est pas du tout aussi fort. À partir de ce moment-là. Pour moi, c'est traité quand même comme The Zeppo. Enfin, dans la tête de Whedon, est-ce que c'est aussi important aux deux époques que Doppelgang? Dans deux épisodes, dans Chosen, quand elle se fait la boîte de Gavrock, quand elle se sort elle-même de sa prise d'otage en elle utilisant utilisera un crayon, le crayon, le même sort. La télékinésie. Ouais, parce qu'on nous rappelait que cet épisode, il a servi à quelque chose. Et oui, elle détruit un vampire par la force de sa pensée. Elle résiste à Fate en lui disant « j'ai pas peur de toi ». Il y a quelque chose de plus puissant elle chez elle. Elle l'a déjà fait aussi. Bah, je sais pas. Oui, parce que la conclusion de l'épisode de Xander, c'est qu'au final, il a pas besoin de changer, en fait. Il a réussi à faire ce qu'il voulait faire en étant lui. En étant lui-même. Coup, reste, et personne n'est témoin, en plus, de ce qu'il a fait. Donc, il reste un peu le même, quoi. Oui, mais avec la. Tu l'as fait en secret, tu l'as fait dans une cave pendant que le gros événement se passait. Personne ne le sait et personne ne le saura jamais. Donc, il y a aussi ce côté invisible, personne ne me voit, qui est repris en plusieurs fois, qui est devenu une force à la fin de l'épisode, mais il a quand même envie d'être vu, quoi. Donc, il faut attendre encore très longtemps pour qu'il accepte qu'on ne te voit pas. Et son dialogue avec Dawn à la fin de la saison 7. Ah, merci. Merci, merci, merci. Enfin. Bonne série. Ah, c'est une bonne série. Il faut la regarder jusqu'au bout. Voilà, il faut regarder jusqu'à la saison 7. Ah, oui, j'aime bien. Et j'ai bien aimé dans cet épisode aussi, même si tout ce qu'on a dit, c'était quand même le principal. Moi, j'ai bien aimé voir Faith heureuse aussi. Quand elle est avec, avec le maire, j'ai l'impression qu'elle est, toute joyeuse, très légère. Et elle le mérite. Parce que le maire sait lui parler. Vous voyez, parce elle a enfin une connexion. Et puis le choix du raccord est intéressant. Dans la scène dans la bibliothèque, elle se fait reprendre par Jace. Il lui dit, bon, un peu de sérieux quand même. Arrête de rigoler avec les exercices physiques, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout détailler, mais... En fait, en gros, elle passe des tests, et Buffy aussi, suite à ce qui s'est passé à l'accident. Donc, elles sont un peu sous contrôle, elles sont un peu, surveillées. Et dans la scène juste après, elle tombe sur un papa gâteau qui lui offre une PlayStation, un appartement et tout. Donc, il lui donne de l'amour, en fait, ce maire, et c'est juste ça qu'il lui fallait. Il faut de l'amour. Je vais pas te faire tuer, Buffy, c'est trop tôt. Enfin, il est à l'écoute de ses émotions, quoi, de ses sentiments, du coup. Mais il faut qu'on fasse un épisode sur Faith, parce qu'il y a un milliard de choses à dire sur ce formidable personnage. Le personnage est tellement génial. Et alors si, et moi j'ai choisi cet épisode, Nabla, oui, pour toi. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Parce que... Explique-moi, Sartman, oui. Parce que non, tu sais, ça fait un petit moment qu'on se connaît, maintenant on parle beaucoup de Buffy, et un des premiers trucs que tu m'as dit sur cette série, c'était... toi, t'as regardé plein de fois la série et tu te fais tes propres idées, tes propres... Mais j'ai jamais écouté théories. Et non, mais tu m'avais parlé d'un truc... que tu cites beaucoup, tu dis la série te permet de devenir qui tu es. Oui. Et est-ce que j'ai bien choisi cet épisode? Est-ce que cet épisode rentre dans cette thématique du deviens qui tu es? On est en plein dedans et pour moi, alors la thématique que j'ai, et peu importe si c'est que moi ou plein de gens, mais c'est comme ça que je lis Buffy. On pourrait le lire de plein de façons différentes, hein. Mais le passage à l'âge adulte, moi je l'ai interprété quand je l'ai regardé comme deviens qui tu es. Ton adulte doit être qui tu es, quoi. Sans forcément l'injonction que je viens de mettre. Et donc pour moi, Buffy elle vit évidemment plein de choses dans son parcours des 7 saisons qui va la conduire à devenir qui elle est, avec des thématiques par saison. Donc moi, quand je les ai regardées avant d'analyser un peu plus, la première saison pour moi c'était, t'arrives dans un groupe, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te trahis pour que le groupe te rejoigne? Est-ce que tu restes toi-même et tu auras un groupe qui te ressemble, qui va autour de toi? Deuxième saison, pareil, mais pour les relations amoureuses. Pareil, est-ce que tu te trahis pour que Angel te regarde et t'invite enfin à prendre un café? Est-ce que tu restes toi-même et c'est ça qui va l'attirer? Etc, etc. Et je me suis rendu compte un peu plus tard que, mon Dieu, tous ces axes que j'avais imaginés pour Buffy, donc saison 1, 2, 3, etc, jusqu'à 7, eh ben, ils marchent aussi avec les autres. Et donc Willow, pareil, saison 1, il y a l'intégration dans un groupe, son premier contact avec Cordelia, on voit bien que l'intégration dans un groupe, c'est pas foufou, mais qu'elle a son groupe autour d'elle. Donc ça parle un peu de l'intégration dans un groupe et l'intégration d'une nouvelle personne dans ce groupe. Quelle est sa place, sa jalousie, Xander qui tombe amoureux de Buffy. Enfin, ça parle aussi de l'intégration dans un groupe. Deuxième saison, les relations amoureuses, Oz, elle découvre aussi des choses. Et puis pareil, Xander, il a la même chose, Jax, il a la même chose. Je trouve ça assez hallucinant que ces quatre corps personnages aient aussi leurs propres questions sur les mêmes thématiques et qui alimentent le parcours global de l'entité tueuse. Et l'entité tueuse, c'est nous. Et donc j'aimais bien, moi, ça. Et cet épisode-là en particulier, c'est Willow, certes, et qui est un personnage génial. Ce message de qu'est-ce que t'aimerais être? Moi, je me souviens, en tout cas, à l'époque, peut-être c'est encore un peu vrai, cette envie d'être puissant, cette envie d'être reconnu, cette envie qu'on arrête de me couper la parole, et cette envie que d'autres gens arrêtent de décider les trucs, cet épisode il symbolise vraiment ça, et le message à la fin c'est mais t'es déjà la personne que que tu vas devenir. Ça, ouais. Et t'as pas besoin de le montrer par la force ou par la violence, même si elle a envie de sortir parfois. Tu peux y aller avec un peu plus d'acceptation. Et c'est très très très très beau. On peut le faire pour tellement d'épisodes et tellement de parcours. Mmh. Et donc il est génial. C'est un très très très bon choix. Le double, la partie en soi qui veut exploser, la partie en soi qui se trouve sexy ou pas sexy, la partie qui veut être puissant ou pas puissant, la partie qui veut avoir un impact sur les autres ou pas. Ça couvre beaucoup de traits de personnalité possibles chez un ado comme moi. À l'époque où j'étais un ado. En même temps, j'avais 20 ans. Et puis, on a tous et toutes découvert cette série à l'âge où on se posait ces questions. Enfin, la plupart, il y a aussi des gens qui l'ont découvert adulte, d'autres qui l'ont découvert enfant. Il y a de tout. Mais oui, c'est une série qui parle de l'adolescence principalement et beaucoup et très très bien. Ah ouais, ouais. Très très très très bien. Est-ce qu'on est bon pour la conclusion ? On est bon. Oui. Alors, choisis tout ça. C'est Ripper ou c'est l'invité là ? C'est la rubrique, c'est l'heure de la rubrique de l'invité. Ah. On vous mettra Ripper après. Incroyable. Si vous êtes sage. Vous pouvez préparer des questions pour Nabla et je lance. Ah, il y a des gens qui posent des questions. S'ils veulent, ils peuvent. Génial. Et je lance le jingle de la rubrique de l'invité. Trop bien. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle a gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors rubrique de l'invité. C'est Nabla, moi. Tu ne le sais pas. Parce que tu n'as jamais écouté le podcast. Et ce n'est absolument pas un reproche. Je voulais vraiment pas que quelqu'un me dise comment penser Buffy. Tant que j'ai pas fini ma lecture de Buffy, eh ben j'ai pas envie d'entendre d'autres avis. Mais je suis très content d'entendre les vôtres aujourd'hui. Tu as complètement le droit. Mais donc, tu ne sais pas que l'invité, nous lui posons toujours trois questions rituelles. La première. Ok. Tu es prêt ? J'aurais peut-être dû écouter un épisode. Tu aurais dû. Non, tout va bien se passer. La première, c'est très simple, c'est comment tu as découvert Buffy ? Ah bah non je l'ai pas dit, j'ai cru que je l'avais dit, pas du tout. Moi j'ai découvert Buffy dans mes souvenirs, j'ai pas été vérifié, avant de passer dans la trilogie du samedi, ça passait le vendredi soir. Tout tard. À fait, oui. Et donc j'ai découvert ça un soir où je n'arrivais pas à dormir, et j'avais la malchance de devoir être dans ma chambre à 8h puisque c'était la règle à la maison, mais j'avais la chance d'avoir une télé dans ma chambre, ce qui devait à mon avis bien aider mes parents à ne pas devoir gérer ce qui se passe. En turbulent. Non, j'étais super sage, mais bon, il y avait cette règle là. Oh non, j'étais super sage. Tu te projettes. Toujours très super sage. Très super sage. Oh là. N'exagérons pas. J'ai une image de moi quand même. Et donc bah je zappais un peu un vendredi soir. Sans vraiment savoir. Ça passait tard le vendredi, ça passait à 23h30. Très tard, ouais. Et quand j'ai zappé sur la 6, je suis tombé en plein milieu d'un épisode de la fin de la saison 2, avec Der Kinderstott. En anglais, c'est. Je ne connais que ça. En français, c'est. Killed by Death. Et Killed by Death en anglais. Donc l'épisode où Buffy est à l'hôpital. Et c'était pas au plein milieu d'ailleurs, parce que j'ai vu le début. Et dès que j'ai vu le début, donc c'est Buffy qui est malade, qui a un rhume, elle est dans le cimetière et il y a un fight avec Angel qui lui dit lover. Et qui lui dit qu'elle va mourir. Donc il y avait une ambiance dans ce premier combat avec l'héroïne qui était fragilisée mais soutenue par ses amis. Je sentais qu'il y avait une grosse histoire et que j'arrivais vraiment au milieu de quelque chose et qu'il me manquait plein d'infos. Mais il y a quelque chose dans la luminosité, le rythme, l'humour qui m'a vraiment plu. Donc c'est marrant, et cet épisode, t'as accroché à cet épisode. Ah ouais, Killed by Death. Alors que c'est pas c'est un épisode un peu mineur quand même. Non, c'est... mais le monstre est flippant. À l'époque, le monstre est flippant, ouais. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait d'autres séries qui passaient, Poltergeist ou des choses comme ça, où j'ai retrouvé un peu de ce rythme-là, où la bande de gens qui enquêtent sur un truc mystique. Donc il y avait quelque chose de familier en moi dans la rythmique. Et j'ai aimé les personnages et j'ai beaucoup aimé je pense que ce qui m'a marqué le plus c'est la toute fin quand elle finit par affronter le monstre en se rendant malade. Il y avait quelque chose de sacrificiel que j'ai ressenti qui était mais pourquoi elle fait ça, je la connais pas et j'avais besoin de comprendre ses motivations et pourquoi elle fait ça. Et donc sans doute ils ont parlé de tueuse dans cet épisode mais la mythologie je la connaissais pas. J'ai juste vu quelqu'un qui pour aider des enfants se met en danger. Sacrifie même. C'est vraiment très dangereux. Ça aurait pu mourir avec le. Quel hashtag quand tu vois cet épisode? Là, du coup, ça devait être 98, donc 18-19 ans. Donc il y avait quelque chose dans ce... Mais qui est cette personne? J'avais besoin de savoir qui est cette personne qui se sacrifie. Il manque des infos. Sauf qu'à l'époque, pas de DVD, pas de magnéto dans ma chambre encore. Pas les cassettes, pas Internet. Du coup, j'ai dû attendre la saison, l'épisode d'après. Donc j'ai attendu une semaine. Et donc, comme c'était l'épisode 18, je crois, Killed by Death, il me restait 4 ou 5 épisodes avant la fin de la saison. La fin de la saison 2, à part peut-être Go Fish. Mais c'est trop tard, j'aimais beaucoup cette série. C'est trop tard. Les deux derniers épisodes, Becoming, ça rend fou. M'a fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis cette fin, et du coup, une autre forme de sacrifice, alors il y a un gros sacrifice à la fin de Becoming, mais son départ, Matt Sonnedel, m'a beaucoup touché, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, elle vit un truc fort, très très fort, j'ai l'impression qu'elle est entourée. Je comprenais pas encore les trahisons là, de Xander et tout ça, mais il y avait quelque chose en moi de, mais pourquoi tu te punis? Pourquoi tu t'en vas? Avec cette musique si triste là. Donc j'ai besoin de continuer à comprendre les motivations de Buffy. Et donc j'ai attendu vraiment que la saison 3 arrive. Très très content de la retrouver, j'ai commencé à comprendre ses motivations. Et c'est vers la fin de la saison 3 que quelqu'un dans ma classe, dans ma prépa, m'a dit, bah moi si tu veux j'ai les cassettes. Et il m'a filé les cassettes, saison 1, saison 2, saison 3. Et alors là, j'ai fait rouler des cassettes. Et donc là j'ai compris un peu plus les motivations. Mais c'était trop tard en fait. J'étais happé par le mystère qu'elle représentait pour moi. Et ensuite par les réponses que ce mystère les réponses que j'avais quand j'ai creusé ce mystère. Et après c'est infini. Je regarde encore maintenant, c'est tous les jours. Et je continue d'apprendre des trucs quoi. Tous les jours j'ai un contact avec Buffy. Il m'en faut un. Donc c'est écouter des musiques, regarder un épisode quand j'ai le temps. Là, t'es du genre, on avance dans l'interview, pardon. On n'a pas les questions rituelles. Vas-y, on en fait. On peut passer à la deuxième question rituelle. Ouais, mettez de côté votre question. La deuxième question rituelle, c'est quoi ton épisode préféré? Ah non, oh, j'en ai pas. Ah si. Tout le monde me pose cette question. On n'est pas obligé d'y répondre. Et on note vos questions sur le chat, on les posera aussi. Mon épisode préféré commence saison 1, épisode 1, et ça se termine saison 7, épisode 22. Oh là là, la réponse, oh là là, c'est quoi? Mais, franchement, je peux pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a des moments dans ma vie, comme tout le monde, je suis très triste et j'ai envie de baisser les bras et j'ai envie de me coucher dans mon lit et d'attendre que ça passe. Si j'ai envie de succomber à cette sensation-là, je fais ça. Si j'ai envie d'en changer et de m'en sortir, je regarde le premier épisode de la saison 3. Anne, exactement, avec notamment le gros méchant qui dit qu'est-ce que l'enfer à part l'absence d'espoir. Et le moment tellement beau où le démon dit vous êtes plus personne, vous êtes plus personne. Et puis il arrive à mater tout le monde. Et quand ça arrive sur Buffy, t'es qui toi? Il a dit I'm Buffy, the Vampire Slayer, and you. Et qui passe sur l'un des combats les plus longs que je connaisse. 17 minutes. Moi, c'est un épisode qui me soigne mon envie de rester dans mon lit, d'éteindre la lumière et d'attendre quoi. C'est une excellente réponse ça. Mais du coup ça c'est un exemple, mais si j'ai du temps et que j'ai envie de me poser sur est-ce que j'ai envie de progresser en ce moment dans la vie, je vais peut-être regarder la soirée de Sadie Hawkins, parce que c'est une représentation de si tu continues de refaire les mêmes choses t'auras les mêmes résultats mec. Donc si tu veux avoir d'autres résultats, change quelque chose. Donc là dans l'épisode c'est la représentation, on va inverser l'homme et la femme en termes de possession, ou plutôt l'humain et le vampire, comme ça tu peux survivre Grace. Et donc il y a plein d'épisodes, énormément d'épisodes qui m'apportent quelque chose à moi en fonction de mon état et ce que j'ai envie de voir. Et donc je peux pas avoir un épisode préféré parce que évidemment j'ai des épisodes préférés quand je vais bien, je les regarde et c'est super parce que ça contribue à mon je vais bien. Mais il y a des épisodes, même peut-être un peu moyens ou des bouts d'épisodes qui me genre me soignent. Envie de boire de la bière par exemple, peut-être très je regarde très pas, je regarde pas Beer Bad. Ah, jamais dans cette liste. Ah d'accord. Beer Bad aussi, il peut y être parce que j'aime bien certains trucs. Et puis comme je suis comédien aussi, ça m'arrive de regarder des épisodes juste pour voir comment ils ont fait quoi. Ah oui. Donc j'ai pas d'épisode préféré. Ce soir, mon épisode préféré, c'est Doppelgangland. Bien sûr. Voilà. C'était mon contact aujourd'hui avec Buffy. Et tu viens de le dire parce que la troisième question rituelle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie quand tu regardes pas Buffy? Et tu as dit tu es comédien. Oui. Comédien, beaucoup d'improvisation même, surtout. Quasiment exclusivement même d'improvisation théâtrale. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça aux gens qui ne savent pas ce que c'est de l'improvisation? Comédien d'impro. Il faut leur expliquer ce que c'est. C'est quoi l'impro? Alors, au début, tu disais comédien formateur et les deux, je l'applique à l'improvisation. Alors, l'improvisation, qu'est-ce que c'est? L'étymologie du mot improvisation vient du mot imprévu. Donc, faire de l'improvisation, en gros, non, je vais le faire vite. Je vais le faire vite, mais avec une voix plus normale que. Oui, c'est bien. Improvisation vient du mot imprévu. Donc, faire de l'improvisation, d'une manière générale, c'est gérer des imprévus. Et donc, l'improvisation théâtrale, on est sur scène et on va gérer des imprévus. Donc, on vient en ne sachant pas ce qu'on va jouer, le personnage qu'on va jouer, le contenu de l'histoire, est-ce que c'est qu'une histoire ou est-ce que c'est 17 histoires. Parfois, on ne sait même pas avec qui on va jouer. on trouve des façons d'avoir des imprévus. Donc parfois ça vient du public, on va demander un thème, parfois ça vient d'un rôle particulier, le maître de cérémonie ou l'arbitre par exemple. Donc on trouve des moyens d'avoir des imprévus, de les vivre sur scène positivement. Donc mon boulot artistique, c'est de m'entraîner et d'entraîner des gens à gérer positivement les imprévus. Et mon boulot professionnel, donc formation, bah c'est exactement la même chose, sauf que l'objectif, c'est plus de raconter une histoire sympa et de bien les jouer, de faire passer un bon moment à un public. Les objectifs, c'est se connecter un peu plus aux humains à qui on parle en entreprise, par exemple en négociation, par exemple en management, ah ouais. Pour détendre un peu des gens qui parfois confondent le travail et la douleur. Et l'improvisation, je trouve, c'est une discipline fantastique qui permet d'apprendre ou de réapprendre ce que c'est d'être un enfant sain. Ah, tu le vois comme ça, c'est marrant. Ah, okay. Pour moi, oui. C'est de l'amusement permanent, c'est de la détente, c'est du plaisir, c'est de l'efficacité aussi. On est très performant quand on accepte que des imprévus se produisent et qu'on les accueille. Mais là, tu les provoques, les imprévus. Parce que nous, on est allé te voir sur scène. Artistiquement, oui. On est allé te voir sur scène, c'était, il me semble, trois mots. Enfin, donc vous posiez des questions et vous demandiez au public, justement, trois mots ou trois expressions, je ne sais plus. Ah, c'était bio. C'est trois mots. C'est pas des mots, peut-être des expressions, ou un lieu, ou. Enfin, c'était. Si c'était le spectacle auquel je pense, aussi, bio. Okay. On posait quatre questions au début, donc on était trois sur scène pour raconter une seule histoire, et l'histoire, c'était la vie d'un personnage qui n'existe pas. Oui, c'était ça. Donc on posait quatre questions le prénom, le métier, un lieu qui était important, ou quelque chose d'important, par exemple une passion, et puis quelque chose d'un peu plus anecdotique, un objet important dans sa vie, ou une phrase d'un livre qu'on prenait au hasard. Okay. Et donc on avait quatre éléments pour construire la carte d'identité de ce personnage, et ensuite on disait bon spectacle, et pendant une heure, on racontait la vie, globalement, de la naissance à la mort, de ce personnage en jouant avec l'espace et le temps. Et c'était très très bien. Mais l'impro, tous les concepts possibles et imaginables pour créer de l'imprévu avec plaisir, et créer un peu une connexion avec le public aussi qui est incroyable, ce moment où eux ils savent que on sait pas si ça va être bien, nous on sait pas si ça va être bien, et on saute ensemble. C'est génial, ouais, c'est génial. Et il y a une question sur le chat, je pense que je connais la réponse, mais ça peut être intéressant que tu nous la donnes. Nabla, est-ce que tu pourrais nous improviser maintenant une scène de Buffy? Eh ben, peux répondre, hein. Je vais décevoir des gens, peut-être, ou je vais faire plaisir à beaucoup de gens aussi. Non, c'est vraiment le seul sujet que je veux pas faire en impro. Buffy. Exactement. Ah, c'est marrant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sacralise sans doute trop, hein, mais je m'en moque parce que c'est important pour moi. Je sacralise beaucoup Buffy. La qualité d'écriture, la qualité des personnages, c'est très très beau. Et improviser quelque chose que je respecte autant. J'ai pas envie de créer des imprévus dessus, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment très très beau. Ça m'a permis de faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu adores l'imprévu. C'est ton métier, tout. Passion, métier, vie. Mais tu voues un culte à une série dans laquelle, et on a eu la confirmation il y a deux semaines en convention, et il y a une question qui a été posée aux acteurs et actrices qui étaient présents, donc des acteurs et actrices de Buffy et Angel, et on leur a demandé est-ce que vous avez des anecdotes d'improvisation sur le tournage, et ils ont pratiquement tous unanimement répondu, mais il n'y avait pas d'impro sur ce tournage. Fallait respecter le texte au mot près, à la syllabe près. Et donc voilà, dans Buffy et Angel, on est à l'antithèse totale de l'impro. Mais tu aimes les deux beaucoup. Ah, j'adore les deux. Et tu veux pas les mélanger? Non, j'ai pas envie de les mélanger. Après. Avec plaisir pour parler de Buffy sur scène. Ça m'est arrivé de faire des spectacles où je parlais de Buffy. Mais je n'improvise pas sur Buffy. Parce que je ne veux pas dénaturer ce petit diamant qui m'a beaucoup si construit. Si tu avais des images, par exemple, où tu devais faire du doublage sur Buffy, des improvisations sur les images de Buffy, tu ne ferais pas? Si, parce que ce serait... Cool. Ça, ce ne serait pas Buffy. C'est pas la même chose. Ah oui, parce que il y a une question sur le doublage de Sam sur le chat. Sam voulait savoir quel personnage tu aimerais doubler, parce que oui, donc on le rappelle. Et pourquoi tu choisirais Spike? Pourquoi Spike? On le rappelle, donc on a développé l'activité doublage là depuis peu de temps. Et hop, on va créer une joint venture. On va monter une boîte. Ça y est, les mots sont lancés. Bref, ouais, on s'est amusé à prendre la voix des personnages de Buffy. Et même, alors tu l'as pas vu, mais même à la convention, on est allé encore plus loin où on a improvisé des textes. Ça c'est fun. On n'a pas dit est-ce que les textes qui étaient sur la bande rythmo, c'est parti très très loin. C'était n'importe quoi. Ça c'est très très cool parce que c'est pas la même chose. On se sert des images pour voilà. Faire du blage, c'est tellement drôle. Toi, c'est tellement rigolo. De quoi, toi, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé doubler dans la série? Et franchement, ça a changé. Je pense qu'à un moment, je me voyais plus en Zender, parce que le mec invisible qui aimerait bien ne pas être invisible, ça a un peu évolué quand même beaucoup. Maintenant que t'as vu mon âge maintenant, Giles, ouais. Maintenant, ouais, je pense que Giles me fait plus plaisir et puis j'aime bien les petits bruits qu'il fait. Les... Buffy. Ouais, si, je pense que maintenant ce sera un peu plus Giles. Peut-être en attendant un peu. Le maire aussi, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant à doubler. Mm. C'est qu'une saison. Et le premier épisode de la saison 7. Bref, on s'en fout. Tu ferais Giles. Tu choisis Giles pour ouais, doubler. Ouais, en récurrent, je pense que je ferais Giles, mais ouais, je pense. Je pense que Wesley risque d'être rigolo aussi à doubler. Ah, je pense que je garderai les personnages masculins pour pas caricaturer et faire n'importe quoi. Oui. Snyder, il doit être rigolo aussi. Bon, je ferai les gens de mon âge, quoi, ou plus. D'accord. Ah, tu crois que. Alors, c'est une bonne question. Je ferai 45 plus. Je sais pas si tu peux y répondre parce que t'es pas doubleur de métier, mais est-ce que la voix. Parce que là, Brigitte Lecordier, par exemple, elle fait des voix d'enfants et tout avec sa voix de. De femme de 50 ans, donc... Ah, mais elle la maquille beaucoup, enfin, ouais. Sa femme est très... Toi, tu pourrais faire, tu dis, il faut que je joue quelqu'un de mon âge, donc c'est pour ça que je relève cette question. Je pense qu'il faudrait que je m'entraîne à faire une voix complètement différente, que je puisse tenir pendant longtemps. Alors, moi, sur scène, je t'ai vu jouer des enfants. Oui, c'est vrai. C'était super, enfin... Bon, d'accord. Alors, je vais doubler le juste des justes. Non, mais voilà. Bref, c'était une autre énergie, c'était dans le cadre d'un spectacle d'impro et tout, donc ouais. on est plus... comment dire, on accepte plus de choses. Oui. Mais t'arrives à faire des trucs super émouvants en jouant un gamin. Il faut que je me fasse un peu plus confiance. Je pense. Tu devrais... Comme Willow, dans Doppelgangland. Tu devrais t'habiller un petit peu plus en cuir décolleté. Très bien. Eh bien, dès demain, je change. Et si il y a des gens qui nous écoutent, poser des questions sur le chat, qui ont envie de se lancer dans l'impro, c'est quoi le conseil? Est-ce qu'ils doivent lire ton livre en priorité? Oh là là, c'est ça qu'ils doivent faire. Placement de produit. Évidemment. Ou est-ce qu'ils doivent. C'est quoi le conseil que tu leur donnes pour se lancer? Pour se lancer l'impro artistique, pas faire des formations. Non, okay. Non, pas la formation. J'ai pas de conseil à donner. Vous avez vu que je réponds aux questions en disant arrêtez avec vos questions. On sent que t'as l'habitude des interviews, hein. T'es vraiment très habitué aux interviews, genre. Ah oui, ouais. Non. Écoutez, ça tombe bien que vous me disiez ça, puisque l'année dernière, justement, à la même époque, j'y pensais. Il faut. Si t'as envie de tester l'impro, teste l'impro. C'est pas un conseil, mais ça va ressembler à un conseil quand même, allez hop. Si vous venez faire de l'impro, faites de l'impro. Donc, venez pas faire de l'impro pour régler un problème, pour lutter contre sa timidité ou se faire des amis. Parce que l'impro, c'est très sacré aussi pour moi. L'impro fait son job et ça fera son job sur vous si vous faites le job de l'impro. Donc si vous venez pour un but perso, c'est cool, mais attention, ça ne parle pas de vous. Quelqu'un qui voudrait vaincre sa timidité, par exemple, tu lui conseillerais plus de faire du théâtre classique que de l'impro? Je conseille de faire de l'impro à fond. Justement. Mais quand tu viens en séance, c'est pour faire de l'impro, pas pour ne pas être timide. Et donc suis les, voilà, ouais, d'accord. Suis les concepts, laisse l'impro décider de 2-3 trucs, et quand tu rentreras chez toi, tu pourras dire tiens, qu'est-ce que je peux prendre pour lutter contre ma timidité. Mais quand d'accord. Tu viens faire de l'impro, okay, fais de l'impro. C'est la nuance, ok. C'est un peu subtil peut-être, mais l'impro a énormément de vertus. Viens pas choisir ta vertu, fais de l'impro, tu prends tout. Et tu gardes chez toi, tu sélectionnes chez toi ce qui est utile, mais ne l'impose pas à un groupe, ne l'impose tu, pas tu fais à l'impro. Je pense que je pose plein de questions, je sais pas si... Vas-y. Tu fais partie d'une troupe, du coup ? J'ai fait partie d'une troupe pendant 17 ans. Ah oui ? Et je l'ai quitté en juin 2023 pour fonder quelque chose qui me ressemble de plus en plus, qui s'appelle La Joie. Voilà, j'ai créé La Joie. La Joie, impro, ça s'entend dans ma voix, j'imagine. J'ai créé La Joie et depuis quelques temps, La Joie se répand. Alors, j'ai créé une autre structure, donc La Joie Impro, complètement différente d'une structure troupe, puisque je suis tout seul à être joyeux. Okay. Et au lieu de jouer avec les mêmes personnes encore et encore sur des mêmes formats, qui étaient vraiment super, hein, là j'invite des gens à jouer des formats différents, ou je me fais inviter dans leur format. Ce qui me permet de découvrir, et alors ça c'était une découverte géniale que j'avais oublié à un moment, et je suis tellement content d'avoir récupéré cette claque. Il y a des gens géniaux partout. Et parfois quand on fait de l'impro dans le même endroit, avec les mêmes personnes, surtout quand ça marche un peu, on oublie qu'il y a des gens géniaux partout. Et donc le fait d'avoir quitté mon groupe pour créer autre chose, seul, ça me pousse à rencontrer des gens tout le temps, et c'est génial. Et l'impro... Il y a une espèce de palpitation impro dans le monde, beaucoup en France quand même. Et c'est la même passion, c'est la même vibration partout. Et c'est tellement agréable de vivre cette vibration en permanence. Okay. Et donc là, j'ai pas de groupe où mon groupe, c'est tous les pratiquants et pratiquantes de l'impro. Ça peut être des débutants aussi. Ah, j'adore jouer avec les débutants et les débutantes. C'est les meilleurs parce que. Si moi j'ai envie de m'inscrire à de l'impro, comment c'est super. Par... Bah, avant ton premier cours, il faudrait qu'on joue ensemble. Parce que les débutants, débutantes, vous avez un super pouvoir. Vous ne savez pas. Et donc tout ce que vous allez faire, en gros, c'est des imprévus. Vous n'allez faire que ça. Ah oui, on n'a pas de code d'outils, de code. Exactement. Et donc tout ce que vous allez faire, c'est génial pour moi. pour vous, vous allez l'interpréter sans doute comme putain, j'ai fait de la merde. Ouais. Mais pour moi, c'est de l'or. C'est génial. Cool. Et le drame des débutants, débutantes, et c'est si triste, c'est que tout ce qui vous intéresse, c'est de devenir bon. Ah. Et donc de respecter des règles et des principes. Et du coup de finalement faire des trucs qui sont un peu prévus. Très intéressant. Une tragédie dans l'impro. Les débutants sont géniaux. En fait, je fais beaucoup de jeux de rôle et je me dis. J'aimerais bien faire des cours d'impro pour m'améliorer en jeu de rôle. Mais du coup, ce que tu me dis là, c'est qu'il ne faut pas que je fasse ça en fait. Ah, tu vas t'améliorer en jeu de rôle en faisant de l'impro, c'est sûr. Ouais. Qualité de tes personnages, mémorisation des infos, improvisation, ça va être super. Non, je dis pas fais pas d'impro. C'est juste que quand tu viendras à un atelier d'impro et qu'on te dit classez-vous par ordre alphabétique, classe ça par ordre alphabétique. Ne prends pas que ce qui va servir ton ambition jeu de rôle. D'accord. Prends tout. Et alors, si on veut te voir sur scène, comment on fait ? Ah, mon agenda ! Mon agenda ! Je crois que. Du coup, je tourne beaucoup, comme je disais. Cette phrase est très bizarre et très moche. Ah, je tourne. En avril, j'ai pas mal de spectacles. Je crois que j'en ai 11 ou 12, je sais plus. Ah oui. J'ai quelques spectacles. Ça bosse. Hein. À Paris, alors je sais plus les dates. Mais le 1er avril, je crois, je joue dans un bar impro. Le Kibélé, on joue un trio qui s'appelle Direction, si je me souviens bien. Donc ça, c'est à Paris. Ça, c'est à Paris, le 1er avril. J'ai un spectacle à Paris le 10 avril aussi, à l'Improvivar, hein, qui est un endroit où... Oui, il y a de l'impro. Où il y a du bar et de l'impro. Non, mais c'est commencé à bien marcher, ce truc. Oh, ça fait 6 ans et demi que ça existe, ça marche. Je les vois tout le temps, enfin, je vois les pubs passer. Ouais, dans le monde de l'impro, c'est parisienne. C'est quelque chose qui a ouvert beaucoup d'expérimentation et de représentation. C'est très, très cool. En mi-avril, je vais jouer, je crois, 5 spectacles à Brest pour le festival Subito qui organise des ateliers. Donc il y aura 5 ou 6 spectacles, plus des stages. Je retourne à Bordeaux fin avril où j'ai encore un spectacle. Mi-avril, le 12 avril. Donc je tourne un peu. Donc ouais, si les gens veulent voir tes dates, c'est sur les réseaux sociaux, ouais. Comment ça se passe? Non, parce que... non, je réponds jamais à vos questions. Ça commence jamais par oui, alors qu'en impro quand même, on travaille beaucoup l'accueil. Non, moi les réseaux sociaux, je communique pas trop, mais si vous voulez me contacter sur Facebook, si vous avez plus de 40 ans, la vieille personne. Vous le pouvez. Envoyez-moi sur Facebook, c'est là qu'on contacte. Je réponds toujours. Donc si vous tapez Nabla. Un POC Nabla Leviste sur un POC. Qui un Wiz. Je l'ai POC. Si vous voulez me contacter par Messenger, je répondrai, c'est promis. Et je vous enverrai mes dates. Il y aura été ton compte, ton profil sur le site. Ah, je sais pas, je mettrai quoi comme lien? Je mettrai sur le. Tu peux mettre, si c'est des messages, tu peux mettre Facebook ou globalement je poste rien, mais je repartage des posts d'autres gens. Et ça peut être Instagram. Sur Instagram, je dois avoir 9 photos. mais je réponds aux deux messageries. Donc, Le gars répond. Déjà, ça va. Parfois, il faut attendre un peu, mais je réponds. Ouais. Donc, je pourrais vous envoyer mes dates mises à jour. Après, du coup. En mai. Après, je vois tes dates d'avril en mai si c'est trop tard. Je répondrai un mois après votre demande. Donc, si vous voulez savoir ce que je fais en avril, envoyez-le maintenant. Eh ben, on peut te remercier. C'était super ce moment, dis donc. C'était un super moment. On a appris plein de choses sur l'impro. J'espère que ça vous a plu. Alors, on rappelle vite fait. Nous, on s'est rencontrés grâce à Yvan. Exactement. Qui est un fan d'impro, improvisateur, comédien, improvisateur lui-même. Lui-même, ouais. Qui t'a interviewé, qui s'est rendu compte que t'étais un fan de Buffy. Qui s'est dit, c'est quoi ce truc Buffy? Ouais. Vu qu'Yvan est formidable, il s'est dit, tiens, je vais organiser une soirée Buffy pour mon Nabla. Yvan, qui a jamais regardé un épisode de Buffy, s'est dit, tiens, ça fera plaisir à Nabla. Alors qu'on se connaissait vraiment pas tant que ça, voire pas du tout même, avant le podcast. Et il s'est dit, avec son grand cœur immense, tiens, ça a l'air de lui faire très plaisir, ça me plaît, je vais organiser une soirée Buffy. Donc il me demande de garder une date et il contacte des gens, dont Sartman. Contacte-moi. Ouais. En m'expliquant ça, je vais faire une surprise à un gars et tout. Enfin, ok, si tu veux. C'est une soirée Buffy. Ah, ok, j'y vais. Alors j'arrive. Il manquait un élément de l'info quand même avant de dire oui. Et donc vous avez fait 3 soirées au hasard du Exactement. Et c'était vraiment, vraiment Cool, vraiment. Et on bien. Espère qu'il y en aura d'autres. Donc, bah, pareil, s'il y en a d'autres, on mettra les infos et on espère vous voir nombreux et oui. nombreux. Hein, c'est l'occasion que... de boire un coup avec toi en plus. Ah oui, non, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que depuis qu'on se connaît, moi, je connaissais pas l'impro. Donc, je t'ai vu sur scène, je me suis intéressé au truc. Et je découvre un spectacle formidable. Enfin, je ne connaissais pas cet art du théâtre d'improvisation. Et donc, allez-y. Cool. S'il y a de l'impro, un spectacle à côté de chez vous, allez-y. Ou même des petites scènes dans des petits bars, des trucs comme ça. Yeah. Allez-y, c'est surprenant à chaque fois, c'est souvent très drôle. Ce qui est génial, c'est que même en tant que comédien, c'est tellement génial de pas faire tous les soirs, tu fais un truc différent, c'est fou. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, notre travail, il est vraiment un peu différent de d'autres comédiens. Et c'est génial et très complémentaire. Bon, notre boulot, presque, c'est de réussir à trouver quelque chose d'exceptionnel dans une soirée classique, presque. Donc, il y a une côté d'aller révéler la brillance et le diamant dans rien. C'est j'ai une autre question. Génial. Est-ce que tu as fait aussi comédien classique? Très peu. En apprenant du texte par cœur et... J'ai joué dans deux pièces. Ok, quand même. Et c'était cool. Mais je me suis rendu compte, surtout au bout de la deuxième, parce que la deuxième, j'avais que 8 lignes. Et pourtant, je venais quand même au répète. Que... Tu passais des bons moments. Ah, faut quand même attendre 4 ou 5 mois avant d'être sur scène. Donc le plaisir est très cool, mais il faut que j'attende 4 ou 5 mois avant d'avoir du plaisir. Alors que l'impro, direct. 15 minutes, c'est bon. Donc, bon pourquoi patienter avant d'être heureux? Donc, j'ai décidé de faire le chemin rapide. Je vais avoir du plaisir tout le temps. Merci à vous pour vous êtes toutes ces belles choses. Merci sur le chat aussi. On accélère un peu parce que ce podcast va être très long. Et surtout, on a un épisode de Reaper à vous envoyer. Oh. Rappelez-vous, donc épisode 8, comment c'était quoi la fin de l'épisode 8 Comment c'était quoi alors rappeler aux auditeurs et auditrices ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 8 Surtout pourquoi Souvenez-vous dans Reaper, donc il y a Jaes qui est. Jeune, il est entouré de Philippe, Ethan et Paige, ses amis. les quatre font de la magie ensemble avec un gros livre magique. Le Big Book. Le Big Book, bien sûr. Il est arrivé plein d'aventures et ça a fini par un clash. Ils se sont fâchés parce que c'est avéré que Ethan et Philippe, ils utilisent le livre en cachette. Et ça n'a pas plu à Giles et surtout à Paige. Qui a décidé de les quitter. Et là, on va donc aller retrouver quelques semaines plus tard. Ou les jours, ouais, quelques mois, années. Enfin, c'est un peu plus tard et ils sont fâchés, donc ils vont avoir deux histoires en parallèle maintenant dans Reaper. Et si vous voulez vraiment avoir plusieurs détails, ce qui s'est passé, réécoutez. Il y a un flux podcastique et un flux YouTube sur lequel vous pouvez avoir tous les épisodes de Reaper. YouTube avec tous les épisodes de Reaper. Et donc maintenant, c'est parti pour l'épisode 9 de Reaper. On se retrouve donc dans 9 minutes. Ripper. Épisode 9. Beer Good. You ask how much I need you. Je te remets la même. Paige, allô? Hein? Oui. Ah, Paige, faut pas se prendre la binette pour ce gros nu de fil. Il te méritait pas. T'as bien fait de le jeter. Moi, je l'ai toujours dit, ce mec, c'est un connard. Oui, mais c'était mon connard à moi. Bonsoir, Naomi. Salut, toi. Il me faudrait 4 Bloody Mary et 3 Cuba Libre, s'il te plaît. Et c'est parti. Dis donc, t'as sacrément soif. Quoi? Non, parce que t'as commandé 4, 6, 7 verres. En tout. Donc je disais, t'as soif, mais non, laisse tomber. C'était nul. C'est Paige, toi, c'est ça? On se connaît. On était dans le même cours de socio l'année dernière. Désolée, j'ai pas du tout la mémoire des visages. Et voilà, 5 Bloody Mary, 3 Cuba Libre. Je les rajoute à ta note, Clada. Ouais, merci. Clada? Comme les bagues irlandaises? C'est ton prénom? Tout à fait. Je suis un pur produit du comté de Galway. Tu connais? Vite fait. Si ça te dit, je suis avec des copines au fond là, tu veux te joindre à nous? T'es obligée, Naomi m'a mis un Bloody Mary en trop et je suis quasi sûre qu'elle l'a fait exprès. Bon bah, si c'est pour pas gâcher, alors... Attends, je t'aide à prendre les verres. Hé, mais tu peux pas regarder devant toi, connard! J'en ai partout sur... Pardon, Paige, je suis désolé, je t'avais pas vu. Phil? Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Ça fait plaisir de te croiser. Je suis avec Rupert et Ethan là devant les fenêtres. Tu veux venir avec nous ? Non, c'est bon, je suis avec des amis là. Salut. À plus, Philippe. Et Philou, c'est qui la rouquine avec ton ex là ? On la connaît ? Arrête de dire que c'est mon ex. Elle a juste pris ses distances. On n'est pas officiellement séparés. Ouais, c'est ça. Bon, viens, faut que tu m'aides avec les pintes là. Je crois que j'en ai pris beaucoup trop. Mais alors, vous êtes toutes irlandaises ? Yep, oui. Oui. Et quoi, vous sortez contre vous ? Vous êtes une confrérie secrète anti-britannique ? Bah non, la preuve, t'es là, toi. Alors figure-toi, ma petite Clada, que je suis à moitié irlandaise par ma mère. Non ! Si, et je me fais appeler Paige, mais en fait, Paige, c'est mon nom de famille. Mon vrai prénom, c'est Deirdre. Ouah, mais t'es une vraie, alors ! Faut fêter ça ! Evelyn, va chercher notre tournée, tu dis à Naomi de la mettre sur ma note. Eh ben c'est pas trop tôt. Vous les avez brassés vous-même ou quoi ? Bon, Philou, on lui dit notre secret à ce ronchon. Histoire de lui détendre un peu le slip. Ouais, vas-y. Parfait, encore un secret. Je me planque sous la table tout de suite ou j'attends ? Avec Phil, on a compris que tu nous en voulais encore pour l'histoire de Baldur. Et on a compris la leçon. Ne jamais utiliser un démon qu'on connaît pas pour faire de l'argent. C'est pas du tout ça la leçon. Faut jamais utiliser de démon. Juste jamais. Qu'on connaisse ou pas, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Bref, on s'est dit que pour compenser les dégâts de Baldur et nous racheter à tes yeux... Et auprès de la société, on pourrait tous les trois utiliser le livre magique, attention, uniquement pour aider les gens, sans aucune contrepartie financière, et tout ça pendant une semaine entière. Qu'est-ce que t'en dis ? J'imagine que c'est un énorme effort pour vous de proposer ça. Ah bah oui. Et on te désigne chef du livre, Rupert. Il y a que toi qui auras le droit de l'ouvrir. Ouais, bon. On peut essayer, oui. Il y a peut-être moyen de réparer 2-3 bricoles. Ah, il est d'accord. Alors je lève mon verre au Big Book Club. Ouais. Ouais. Mais alors, plus sérieusement, puisque t'es du pays aussi, tu penses quoi des événements ? Tu suis un peu la lutte ? Tu veux dire ce qui se passe au nord ? Oui. Tu sais que ces salopards d'anglais appellent ça des troubles, alors que c'est une vraie guerre. Des gens meurent et tout le monde s'en fout. Je sais pas trop, tu sais moi, la politique... Tu devrais t'y intéresser, et ça concerne tout le monde. Oh, dis-lui pour la manif. La quoi ? Non, mais la station-service, je te dis, t'es bouché ou quoi ? Ah oui, celle du vieux, là. Celle de Dickens. Oui, celle-là, celle que Baldur a bouffée la nuit où nous poursuivait, là. On pourrait invoquer un truc, je sais pas, pour la reconstruire. Ça serait une bonne action, ça, Rupert. T'en dis quoi ? Oui, effectivement. Je crois qu'il y a une formule dans le livre qui permet de missionner une sorte de génie pour ce genre de travail. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Un génie chef de chantier ? Putain, je suis fan du concept. Ah ouais, et puis on pourrait en profiter pour qu'il répare mon appartement, hein, ton génie chef de chantier ? Ça mange pas de pain ? On avait dit pas de contrepartie, Philippe ! Comment ça, pas de contrepartie ? Je comprends pas. Ces cochons de flics m'ont fait comprendre qu'il fallait leur graisser la patte afin qu'ils autorisent notre manifestation pro-Irlande. Et le truc, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire ça. C'est la première action qu'on essaie de mettre en place. On commence tout juste avec l'assaut. C'est dégueulasse. Non, c'est pas du tout dégueulasse, Philippe. C'est des gars dans ton appart. Faut les voir comme une sorte de punition pour avoir essayé de faire de l'argent avec un démon. Tu dois te démerder tout seul avec ça. Sérieux, Rupert, t'as quel âge là ? 50 ans ? J'ai l'impression que c'est mon père qui me parle là. Non mais ok les gars, peut-être qu'on peut laisser tomber le génie chef de chantier 2 minutes et on pense à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre problème qu'on peut régler avec la magie ? La magie ? Oui, je sais que ça peut faire sourire ou bien peur hein, dans un premier temps, mais en vrai... Quand on sait un peu s'en servir, la magie, c'est assez simple et ça peut nous tirer de pas mal de galères. Comme quoi ? Bah, comme faire croire à quelqu'un qu'on lui a donné de l'argent alors qu'en réalité on lui a rien donné, par exemple. Ah ouais ? Et attention, c'est un secret. Faut en parler à personne. Chut ! Hé ami, tu nous remets 2 pintes à nous les 2 connards ! Mais juste un petit thé pour Lord Rupert Jai, si c'est présent. Le magicien le plus coincé de toute l'histoire de la magie. Moins fort, tu fais n'importe quoi, Philippe. Mais tout le monde s'en fout, il est plus de 4 heures là, tout le monde est bourré et ils ont tout oublié demain. Mais t'es sérieuse, tu peux leur faire tout oublier, même aux flics. Pardon de vous déranger les filles, mais faudrait me régler la note, c'est bientôt la fin de mon service et je dois encore m'occuper des pots de poivreau de Page après. Regarde bien Clada. Bunlar, Aradijniz, droit de l'air, Dale. Merci Page, je vais te chercher ta monnaie. Garde-la, c'est pour toi. Hey, merci, bonne fin de soirée les filles, à la prochaine. Waouh, comment t'as fait ça? Et oui, comment Paige a-t-elle fait ça? Ces potes poivreaux auront-ils la même facilité à payer leurs notes malgré leur quasi-coma éthylique? Paige va-t-elle rejoindre la lutte pour une Irlande du Nord libre? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Il y a déjà plein de questions sur le chat. Et oui, donc épisode, donc le retour de Ripper. Et donc ça a été repéré par les oreilles affûtées hein, du chat. Et oui, une nouvelle arrivée dans le casting de Ripper, Sam qui interprète une Irlandaise incroyable, Clada. Oui. On fait un gros bisou à Sam, on la remercie. Le chat ce soir, gros bisou Sam. D'avoir prêté sa voix à ce personnage. Et personnage récurrent. Que hein. Vous allez retrouver dans les derniers épisodes de Ripper. On annonce combien. Parce qu'on sait, tout, la fin est déjà faite. Ouais, tout enregistré, c'est fini, finito. Enfin, tout. Nabla, t'as un peu de taf encore? Ah ouais? Trop bien. Il y a 2-3 voix additionnelles enregistrées. Voilà. Mais voilà, normalement, dans 3 numéros, ce sera. Intégrale, c'est en 12, donc, en 12 épisodes. Vous aurez l'intégrale de Ripper. Et en juillet 2027. T'as pas totalement tort. T'as compris. J'ai cru comprendre. À un an près, ça va être ça. Non, mais là, c'est. Ouais, mais effectivement. Donc, mais la suite au prochain épisode. Le prochain épisode est quasi prêt. Vous l'aurez dans vos oreilles au prochain. Podcast également. Tous les arrêts dans vos oreilles. Le narrateur hors pair, comme d'habitude. C'est un travail collectif. Dans cet épisode, il y avait aussi Faye Fadel qui nous fait Naomi, la barmaid. Barmaid. Depuis le début. Voilà. Non, c'est. Et voilà. Mais je suis content de cette fiction parce qu'on arrive au bout. On fait jouer tous les gens qu'on a rencontrés ce podcast. Donc c'est cool. C'est assez chouette. Il est très très tard. On va tout de suite passer à la dernière partie de ce podcast fabuleux. Les systèmes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors oui, si t'es Buffy, tu vas aimer ça. Ben Nabla, tu fais ton malin. C'est quoi ton système, son Buffy, tu vas aimer ça? Là, évidemment, ce sont des fans de Buffy qui écoutent, donc ça va peut-être être redondant. Mais si jamais quelqu'un écoute ce podcast et n'a jamais vraiment regardé Buffy ou n'a pas le temps de regarder tout Buffy, il y a quelque chose que je recommande souvent à des gens qui me demandent. Je recommande Kung Fu Panda. Figurez-vous. Alors, j'ai pas vu le 4 encore. Mais c'est une réponse originale. Pour moi, le 1, 2, 3, ça représente un peu le parcours de Buffy ou l'entité tueuse d'une manière générale. Avec le premier épisode qui parle de l'intégration dans un groupe, qui es-tu ? Donc, déjà, ce premier film répond un peu à la question, comme toutes les saisons de Buffy qui répondent d'une manière générale à la question et puis il rouvre un nouveau sujet derrière. L'épisode 2, c'est. Règle ton passé, accepte ton passé, accueille ton passé. Donc il y a encore une nouvelle étape dans le deviens qui tu es. Et la dernière étape, l'épisode 3, un peu comme la saison 7 de Buffy, maintenant que tu es devenu qui tu es, le guerrier dragon, partage ton pouvoir. Et donc, c'est un panda. C'est un panda, ouais. Mais c'est quand même le guerrier dragon. T'as vu Kung Fu Panda? Ah, j'ai pas vu. Parce que moi, sur les conseils de Nabla, j'ai regardé et. Il a raison. Ah bah, de ouf. Ah, c'est. Les fans de Buffy qui ont écrit Kung Fu Panda. En termes de thématique, en tout cas, et le chemin de deviens qui tu es. Et une fois que t'es devenu qui tu es, partage ton pouvoir. C'est Buffy, quoi. Donc, Et t'as vu le 4 alors ou pas encore? J'ai pas encore vu le 4. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir, mais je l'ai pas super, encore vu. Il est dans cette continuité, comme tu dis. C'est une nouvelle strate, une nouvelle. Une sorte de reboot. Un nouvel apprentissage. À chaque sorte fois. De séquelle, ouais, Non, non, mais non. C'est une sorte de séquelle. C'est comme une saison de Buffy, effectivement. Ouais, le panda est toujours aussi fort, et toujours voilà, mais il a des nouveaux ennemis à combattre et tout, et il doit trouver de nouvelles capacités, apprendre d'autres choses pour vaincre cet ennemi. Peut-être une idée pour le reboot de Buffy. Très bon conseil, Nabla. Effectivement, non, mais le lien avec Buffy, c'est très thématique, mais à part ça, c'est surtout une très bonne fiction, très bien écrite, et avec un personnage. Moi, ce qui m'avait fasciné avec ça, c'est un personnage toujours gentil. Ouais. Et c'est vrai que c'est tellement. Parce que le parcours classique du héros que tu vois dans tous les films, les super-héros, tout ça, c'est à un moment donné, il est méchant, à un moment donné, il va oublier d'où il vient, à un moment donné. Lui, jamais. Lui, ouais. Il est tout le temps chill, il est tout le temps cool, il est tout le temps adorable, bienveillant et tout. Et il arrive quand même à apprendre des choses tout en étant de base foncièrement gentil. Et je trouve ça, c'est un beau message, c'est de belles valeurs en fait. Il change les autres autour de lui aussi. Il change les autres, exactement. Non, c'est très beau. Super. Mallory. Est-ce que t'as un système Buffy, tu as aimé ça? Oui, j'en ai un. Dis-nous tout. Alors, qui serait plus en rapport avec la thématique de l'épisode du double. Dernièrement, on a joué avec Xavier, notre ingé son, à un jeu qui s'appelle Immortality, et qui aborde la figure justement du double un petit peu mystérieux comme ça, qui va nous amener à nous poser des questions sur qui on est vraiment. J'en dis pas plus parce que ce jeu est très très mystérieux et c'est un super jeu, très bien écrit, avec des comédiens incroyable, des décors incroyables. Ah, c'est et un jeu vidéo ou un c'est jeu C'est un jeu vidéo, mais narratif. Ah, ouais, ok. Voilà. Et un peu en mode, on se retrouve avec des rushs de films d'une actrice et on va essayer de remonter un peu les rushs des films dans l'ordre pour comprendre l'histoire de la vie de cette personne. Her Story. Mais voilà, je pensais à ça. C'est le même auteur que Her Story. C'est le créateur de. Ah, il a fait Telling Lies aussi. Ouais. Ah, très bon. Et excellent jeu, ouais. Donc si vous aimez la thématique du double un petit peu sombre comme on a pu voir dans cet épisode de Buffy, c'est un jeu incroyable. Oui, c'est pas des jeux vidéo classiques, c'est vraiment narratif, c'est de la déduction. C'est pas comme Alex Kidd par exemple. Non, c'est pas rien à voir, si simple. Non. Non, mais, public au-delà de la blague, on y joue sur quelle machine? PC, PS4, PS5, je pense, et peut-être des Xbox aussi. C'est comment ça s'appelle? Immortality. Je note. Vraiment super. Si vous aimez les mystères avec des histoires très bien construites. Cet auteur de jeu est génial. Ouais. Il fait que des bons trucs. Vraiment très très bon jeu. Et on sait pas son nom, mais tu le mettras dans la description. Sam Barlow. Donc Immortality sur toutes les bonnes Sam Barlow. Exactement. Riley, vous aviez quoi en système Buffy? J'ai pas de système Buffy là. Ah, mais ça tombe bien parce que moi j'en ai un. Ah, d'accord. Et comme ça on va pouvoir finir plus tôt et aller se coucher. Parce que là on partait pour une demi-heure de plus. Fatigué. Moi ça va être très rapide. Je vais vous parler d'un savon. Très bien. Je vais parler le podcast maintenant. Bonne soirée à tous et toutes. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer le savon. Lavez-vous les fans de Buffy. Tu vas aimer le savon Buffy de chez Lush. Ah oui. Vous connaissez Lush? De chez Lush. Ah, Lush. On est sponsorisé pour le podcast. L-U-S-H, c'est un magasin de cosmétiques. C'est une chaîne. Il y en a partout dans toutes les villes. Lush. Et c'est une chaîne qui est bien parce que c'est que des produits vegan. Enfin, beaucoup sont vegan. On peut les manger. Et certains, la plupart, n'ont pas été testés sur des animaux. Donc, c'est des très bonnes choses. Et ils ont des trucs. Enfin, non, testés sur humains directement. Je veux pas du tout faire leur pub ce soir. Avec des produits frais. Mais c'est pas de sponsor pour le podcast, c'est que des bonnes choses. Mais surtout, ils ont créé un savon qui s'appelle Buffy, quoi. Ouais. C'est un beurre. Savon Buffy. Un beurre. Ils vendent du beurre aussi. Mais laisse-moi parler. Mais tu vas te taire. C'est la pire rubrique de toute l'émission. Excusez-moi. Tais-toi. C'est oui, et Jenny nous dit qu'ils vendent des chaussettes aussi. Jenny est très bien informée, je sais pas où elle a eu cette info. Enfin, celui-ci, si on croit savoir où elle a eu cette info. Ils font pas des chaussettes Buffy. Taisez-vous, laissez-moi parler. Le savon, donc Buffy chez Lush, c'est du beurre corporel vegan. Et ça est donc Buffy contre les peaux mortes. Et non exactement. Pas c'est un scandale. C'est génial. Cette rubrique est scandaleuse. Écoutez, il est la chose dont les peaux mortes font des cauchemars. Ce beurre corporel vegan. Riche en beurre nourrissant, gomme votre peau grasse grâce à son mélange de riz, amandes et haricots azuki moulu. Ça gomme la peau grasse du gros persil quand même tout à l'heure. Le tout sans emballage, parce que si ils ont une politique sans emballage, donc ils t'emballent les trucs dans du papier, et s'ils ont vraiment des emballages en plastique, tu peux les ramener, te les re-remplissent. Enfin voilà, ils sont très très cool. Parce que tu les connais, donc tu vas aller chercher ce savon. Je vais tous les jours chez Lush, j'adore Lush. Vérifions sa salle de bain, mais attends, il faut envoyer quelqu'un. Non, il est Ah, est-ce que je l'ai... Non, j'ai eu un savon-loge, mais je me suis lavé entre-temps, donc... Je... Si vous voulez me faire des cadeaux, hein... Il sent très très bon, ce savon-loge. Au niveau des peaux mortes, t'étais pas... Ah, j'étais au top, il n'y en avait plus aucune. Ah ouais, d'accord. Il avait la peau douce, comme jamais. Clem peut en profiter. Le vampire, le démon de la saison démon, 7. Ouais. Ah oui, clairement, beaucoup de peau. Donc voilà, non, c'était juste un petit clin d'œil à cette chaîne de cosmétiques si vous la connaissez pas. Et ouais, ils ont toujours des petits produits un peu geek, un peu rigolo. Il y en a des nouveaux chaque saison, chaque mois, je ne sais pas. Et le produit Buffy est un produit phare, on peut le trouver tout le long de l'année. Ils ont même le savon Fight Club, je crois. Ah, excellent. Ah. Mais c'est Lush, c'est des super magasins. Allez-y, hein, même de se laver. Même sans rien acheter, lavez-vous, hein, c'est ça le conseil que tu donnes aux auditeurs. Allez y faire un tour, c'est des magasins toujours très agréables. Je vous remercie tous et toutes autour de cette table et sur le chat pour ce magnifique podcast. C'était une fois de plus incroyable, c'était très long, mais je ne sais pas ce que je vais couper pendant le montage parce que c'était vraiment super intéressant. C'est un long épisode, c'est pas grave. Hein, tout ce que vous avez raconté. On vous fait des gros bisous sur le chat. Merci le chat d'être resté. On vous retrouve très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. Vous savez quel épisode vous allez faire la prochaine fois ? Pas du tout. Ah, saison 4. Et si, bah, je sais, il est noté dans mon dossier secret. Ouais. Son savon, pensez à côté de son savon, Lush. Et du coup, vous voulez pas le dire ? Ah, je le dis pas. Non, c'est surprise. Okay. Ah, je découvre. Rendez-vous dans 6 mois, Nabla. Youpi. On se retrouve dans quelques mois. Non, dans quelques. Enfin, le plus tôt possible. On peut aller plus vite. On sait jamais. Dès qu'on est prêt, on en fait un. En tout cas, merci Nabla. Merci. Merci à vous. C'était très cool. Merci de partager ta passion pour Buffy avec nous. C'était maintenant, je sais pourquoi. Pourquoi Buffy, c'est génial. C'est génial. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Mettez-nous des commentaires, hein, des likes, des pouces, des étoiles. Apple Podcast aussi, il faut laisser des commentes. Des commentaires. Ce que vous voulez. Des commentes. Moi, je parle ni anglais. Laissez des commentaires. On a plus le temps, on va arrêter de dire la fin des mots. Merci Xavier, merci Mallory, merci Riley. Vous êtes formidables. Merci Sartman. Merci Sartman. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Bisous. À bientôt.